Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui se transpire le catch. Aujourd'hui, on va analyser ensemble le Royal Rumble et pour m'accompagner, je suis avec l'ami Raphaël que je vais faire apparaître comme par magie d'ici peu sur vos écrans. Salut Rapha, comment tu vas? Salut, bah, j'espère que je suis apparu, c'est bon? Pas encore, mais on t'entend, donc D'accord. ne t'inquiète pas, je vais gérer. Ce serait dommage hein, qu'un si beau visage n'apparaisse pas à Oh bah oui, l'écran. tant qu'à faire. Alors, bah, pendant que je règle ça, je te propose, est-ce que tu peux nous raconter dans quelles conditions tu as vu ce Royal Rumble? C'est une question qu'on se pose habituellement tous les ans. Dans quelles conditions? Quel était. Est-ce que tu étais seul dans ton canapé ou. Eh bien, exactement, à croire que tu m'as observé. J'étais seul dans mon canapé. Non, c'est la petite fin d'une tradition, parce que ma famille est pas du tout catch, mais d'habitude, je leur fais regarder le Rumble à mes parents et à mon frère, parce que c'est quand même, pour quelqu'un qui suit pas le catch, c'est un moment rigolo quand même, là, tous ces mecs qui rentrent. Mais là, ça n'a pas été possible. Donc, je l'ai regardé tout seul dans mon canapé, très rapidement, puisque lundi, je ne faisais rien. Donc, lundi vers 15h, je pense, j'ai regardé tout ça. Je me suis fait une après-midi de catch. Une grosse après-midi hein, du coup hein, parce que c'est évidemment un des quatre alors que tu réapparais à l'écran tu vois c'est magnifique un des quatre gros pay-per-view hein, de l'année. Alors je te propose qu'on passe assez rapidement sur le pré-show puisqu'effectivement trois matchs avaient été programmés un petit peu à la dernière minute hein, comme la WWE aime si bien le faire. Le premier match donc c'était la division Cruiserweight hein, qui avait pour objectif d'amuser les quelques spectateurs hein, qui étaient là puisque une fois de plus la WWE a un peu mal géré les entrées puisque le stade était relativement vide au lancement du pré-show. Alors je comprends que tout le monde ne Complètement. vienne pas 2 heures avant, mais visiblement ils ont toujours des petits soucis là de gestion des foules. Donc c'est assez triste quand même hein, de voir ces places vides. Ouais, surtout quand il y a six mecs sur le ring, ça fait beaucoup de monde pour peu de gens dans les publics. En plus, 6 mecs qui, bah écoute, moi j'ai trouvé se sont donnés plutôt pas mal. Alors je vais les lister hein, puisque c'était Drew Gulak, Jack Gallagher et TJP, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler dorénavant, qui affrontaient donc les biomans mexicains là, Grand Metalik, Kalisto et Lince Dorado. Donc tous les trois masqués, hein, les hommes masqués de la division Cruiserweight, dans un match où ils ont pu faire parler toute leur agilité, parce que ça a bondi dans tous les sens, sauf quand évidemment Drew Gulak voulait empêcher Jack Gallagher de sauter hein, depuis la troisième corde, ou No le fly zone. turnbuckle, parce qu'effectivement, tu as raison de le rappeler, on est en no-fly zone, tatatac, et donc t'as Jack Gallagher qui saute quand même et qui s'écrase comme une grosse merde, hein, on peut le dire. Et puis voilà, hein, les gentils qui vont obtenir la victoire avec une magnifique, je crois, un Salida del Sol, qui scelle le sort de ce match sur TJP. C'est ça. TGP très affûté, c'est ça que t'allais dire peut-être? Non, non, non, mais j'allais dire qu'il n'était pas content de cette défaite, mais c'est vrai qu'il était, tu as raison de le dire, bien affûté, et on verra beaucoup plus tard, pas tant que ça, puisqu'il y a eu des surprises sur l'ordre des matchs, que ce n'était pas le seul à être très affûté, puisqu'il y a eu des surprises avec des mecs qui sont revenus, ma foi, en forme. C'est vrai. Est-ce que toi, ça t'a mis quand même un petit peu. Tu as bien kiffé là, je sais pas si tu suis trop la division Cruiserweight, mais. Bon, ça m'a, c'était pas un mauvais match, mais c'est, en fait, tu sais qu'il y a tellement qui t'attend que à la limite, si j'aurais préféré presque qu'il y soit pas, ça m'aurait fait gagner 10 minutes. C'est sympa pour mettre l'ambiance, mais c'est vrai que c'est pas folichon, c'est pas ce qui fait la soirée, quoi. Mais bon, c'était plutôt rigolo. Ouais, moi je trouvais que c'était vraiment pas mal. On enchaîne ensuite avec Karl Anderson et Luke Gallows qui affrontaient donc The Revival. On se souvient que les deux équipes se sont croisées lors du Raw spécial 25e anniversaire avec un joli bo enfin, botch, un joli squash, pardon, choisissons bien nos mots, sur The Revival, donc qui avait droit à sa revanche. Et ben histoire de lancer probablement une petite rivalité, c'est The Revival qui a obtenu la victoire de bien belle manière avec Anderson et Gallows qui jouaient un petit peu les face hein, dans l'histoire. Anderson qui joue un peu qui a joué le face sans péril, les Revival, qui a pu enfin montrer ce qu'ils avaient dans le ventre, hein, leur stratégie et le côté très old school hein, de cette équipe. Rapidement, toi, est-ce que tu es surpris de l'issue de ce match et est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Bah, surpris, non, pas spécialement. Alors, moi, j'aime beaucoup, enfin, je suivais bien les Revival à NXT, et c'est une équipe qu'on attend beaucoup. On attend enfin de les voir faire quelque chose dans le main roster, puisqu'ils ont eu pas mal de blessures qui les a freinés. Après, t'as raison, les alignements sont un peu bizarres, là, ces temps-ci, parce que Gallows et Anderson, ils sont passés du côté de Balor, mais ils ont quand même bien des gueules de méchants, hein, faut dire ce qui est. Donc, on sait pas trop pour qui être. Mais non, c'était là pour le coup, ça c'était pas mal comme match, c'était sympa. J'aime bien voir ces quatre-là. Bon, allez, on termine avec le pré-show, hein, parce qu'on a quand même du gros, du lourd là qui nous attend. Et ben, c'était le Punch Challenge de Bobby Roode pour le titre US. Donc voilà, le petit défi, c'était essayer de deviner qui allait répondre à l'appel du champion US, du glorieux champion US. Et alors, la semaine dernière, on en avait parlé. Alors, c'était lors du pré-show, pardon. On en avait discuté un petit peu et on parlait notamment des recalés de ceux qui avaient perdu le carré final hein, du tournoi US, que ça soit le finaliste hein, Jinder Mahal ou un retour de Dolph Ziggler qui était l'ancien champion US ou même Baron Corbin. Et ben non, pas du tout. Il fallait aller voir un petit peu plus loin dans les éliminés du tournoi US puisque c'était Mojo Rawley qui a répondu présent pour le plaisir des petits-enfants et de tout le monde. Et un match de 7 minutes et demie, hein, très, très basique, hein, avec pas grand-chose à noter, c'était assez dispensable, malheureusement. Un glorieux DDT pour conserver le titre. Bon, bah voilà, un Bobby Roode. On fait le pré-show, on est champion, mais c'était pas très très glorieux tout ça. Ben non, c'est bizarre. Enfin, du coup, ça fait un peu. Ben, il lui file le titre US, mais du coup, il est même pas. Parce que bon, ben, je spoil, on le verra plus de la soirée, hein, Bobby Roode, alors qu'il aurait pu être un gros entrant du Rumble, un petit outsider. Enfin, c'est Bobby Roode quand même. Non, là, j'espère pour lui qu'ils ont des plans sympas pour WrestleMania et tout ça, mais là, il a pas eu le bon moment là. Non, bon, de toute façon, fallait pas s'attendre non plus à un gros gros nom hein, pour le pré-show. C'est vrai que Mojo Rawley a plutôt le vent en poupe ces 2 ou 3 dernières semaines. Et donc, c'est comme ça que c'est terminé le pré-show. Et on va attaquer donc le show principal. Et mes amis, pas n'importe comment, puisque une fois n'est pas coutume, c'est le championnat, enfin le titre mondial qui ouvre le bal. AJ Styles qui donc défend son titre dans un match à handicap contre Sami Zayn et Kevin Owens. Alors Sami Zayn et Kevin Owens qui nous ont gratifié là d'une séquence dans le Media Lounge pendant le pré-show, bah, qui était vachement drôle parce qu'ils étaient, ils répondaient en fait aux tweetos, enfin des messages Twitter. Il y avait un hashtag genre Ask Kevin Owens Sami Zayn, quelque chose du genre. Ils avaient créé une petite animation et du coup ils répondaient aux tweets. C'était plutôt plutôt drôle. Il y a notamment une séquence à un moment donné où ils ont parlé en français, particulièrement Kevin Owens. À la fin, oui. Ouais, tout à la fin de la séquence en insultant les Américains évidemment. Vous parlez pas, je parle français. On va être les co-champions, etc. C'était plutôt, c'est toujours marrant pour nous en tout cas d'avoir ces séquences-là. Mais ils étaient assez magiques hein, les deux là. Ils étaient bien bien chaud bouillant. Le seul truc, c'est que pour nous, Français, un mec qui parle avec l'accent québécois, on n'arrive pas à en faire un heel total, là, c'est raté. Bah déjà de base Kevin Owens Sami Zayn n'en faire un heel total, bon, Ouais. jamais évident. Il y a toujours un t'as beau te dire et oui, il faut le détester, il fait toutes les crasses possibles, il y a toujours un moment où il te fait sourire parce ils sont tellement malins et ils s'amusent tellement que effectivement tu un peu d'affection pour eux, même si ce sont les méchants de l'histoire. Là, en plus, ils nous parlent dans notre langue, effectivement. Ça complique un petit peu les choses. Bon, alors ce match 2 contre 1 là, hein, qui est la matérialisation de cette longue storyline SmackDown. On s'attendait à tout là. Là, on s'attendait à tout, on s'attendait à tout. Tu as bien raison, puisque on imaginait mal ce match se finir de façon totalement clean, et on imaginait surtout mal ce match finir sans aucune intervention de la part de Daniel Bryan et son commissionnaire Shane McMahon. Eh ben, on avait tort, on avait tort. Alors, quand bien même ce match s'est terminé de façon pas forcément totalement clean, Daniel Bryan et Shane McMahon n'ont pas pointé le bout du nez. Kevin Owens et Sami Zayn, hein, ont commencé le match, ils ont tué le rythme, hein, en faisant pas mal de mind games, ils ont passé un temps fou à se taguer au début, juste pour emmerder AJ Styles. Donc il lui a subi hein, les assauts des Canadiens, il s'est bouffé une barricade, on restait vachement au sol, hein, comme le faisait un petit peu Sami Zayn ces derniers temps, la semaine dernière par exemple. Kevin Owens a trash talké comme prévu, il a ajouté de l'impact en plaçant un peu trop tôt son cannonball. Mais voilà, il s'est une fois de plus pété le genou. Donc il n'a pas appris de ses erreurs, puisque c'est exactement ce qui s'était passé la semaine dernière. Donc, on avait un petit peu peur hein, pour Kevin Owens qui visiblement était blessé, mal au dos. Ouais, petite lombalgie. Mais il a quand même voilà, placé quelques coups. C'était un match assez court. Kevin Owens qui éjecte AJ Styles qui atterrit sur Sami Zayn. Ah oui, il y a un moment où il le projette et AJ Styles atterrit sur Sami Zayn et lui fait pareil, une prise là pour l'éjecter à nouveau. C'était Ah oui. plutôt bien vu. KO est pris dans l'étau hein, de la prise de soumission de AJ Styles. C'est comme ça qu'il avait abandonné la semaine dernière, mais cette fois-ci il est sauvé par Sami Zayn. C'est ensuite le gros comeback pour AJ Styles qui aura bouffé pendant la moitié du match. Il balance Kevin Owens dans le poteau et il se mange ensuite malheureusement un énorme kick de Kevin Owens qui était derrière le turnbuckle hein, en attendant le tag, et il s'est pris ensuite le Blue Thunderbomb de Sami Zayn. Donc cet enchaînement qui lui avait justement fait perdre le match, cette fois-ci c'est Kevin Owens qui a passé son coup de pied, donc c'est plutôt bien vu ce petit rappel au weekly. Mais cette fois-ci ce n'est pas fatal, Sami s'énerve, il voit rouge, il se mange le phénoménal forearm. Heureusement Kevin Owens veille et AJ Styles se charge ensuite de Sami Zayn. Le tag semble être fait entre Sami Zayn et Kevin Owens. C'est là où on a le côté pas clean du match. Kevin Owens qui va armer sa pop-up powerbomb, mais c'est contré dans un petit paquet, un petit roll-up là, d'AJ Styles pour la gagne. Victoire du champion et backstage, Kevin Owens, Sami Zayn, bien sûr, vont aller chouiner auprès de Shane qui est un peu taquin. Et il avoue d'un ironique yep avoir vu le screwjob, hein. Enfin pas le screwjob, mais effectivement l'erreur de l'arbitre. Mais il s'en bat lec, comme on dit. Bon, qu'as-tu pensé de cet opener? Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes? C'était un opener, c'était assez particulier comme match. Oui, tu l'as dit, c'était un peu victime de la stipulation, quoi. C'est-à-dire que c'était très très haché. C'était vraiment par séquence, comme tu l'as dit au début. Owens et Zayn, dès que celui qui était dans le ring prenait un coup, il allait de suite taguer. Donc ça faisait pas mal de petites respirations dans ce match. Il y avait beaucoup de coups qui s'enchaînaient. Bon, c'était pas mal hein, parce qu'on a quand même affaire à trois bons catcheurs, surtout AJ Styles qui a très bien joué sa partition, vraiment très très bon. Ce qui m'a un peu, ouais, ce finish m'a un peu étonné parce que je l'ai pas trop compris en fait. Donc j'attends SmackDown voir ce qu'ils vont nous dire, parce qu'en fait donc les deux essayent de se taguer et ils y arrivent pas. Enfin, on a Ils l'impression sont qu'ils y Mais l'arbitre est vachement devant eux, donc ils voient qu'ils y arrivent pas. On voit pas l'arbitre matérialiser le tag, et pourtant après il valide, donc bon, je sais pas où l'arbitre s'est planté. ouais, et puis je crois aussi que les commentateurs ont vu qu'ils avaient pas réussi le tag. Il me semble que Corey Graves a dit enfin toi qu'ils ont manqué le tag, donc Ouais. visiblement tout le monde avait vu qu'il n'y avait pas de tag, y compris l'arbitre qui, comme tu as dit, il n'a pas officialisé le tag. Ouais. Donc effectivement, une fois de plus, hein, un match Jay Styles et Kevin Owens qui se termine sur une erreur d'arbitrage. Donc on peut reprocher, hein, évidemment, que on utilise un peu les mêmes ficelles depuis des mois, hein, maintenant, hein, puisque déjà à l'époque de leur rivalité autour du titre US, c'est ce qui avait nourri. Oui, c'était cet été. On en avait bouffé, quoi. Donc ouais, c'est sympa, quoi, d'avoir le titre mondial en opener, et de quand tu vois de toute façon la carte hyper fournie, c'était plutôt malin de le faire. Mais finalement, enfin, ça ressemblait quand même plus à un weekly, enfin quelque chose qu'on voit, limite qu'on a déjà vu la semaine dernière, quoi. Donc Oui, c'est sûr. ça qui était un petit peu dommage. Ils ont tous assuré, mais c'est vrai qu'on retiendra peut-être un petit peu plus la séquence Media Lounge de Kevin Owens et Sami Zayn que vraiment le match. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Est-ce que tu penses qu'elles vont être un petit peu la suite là pour les trois zigotos? Bah, c'est difficile à dire, effectivement. C'est pour ça que j'attends SmackDown, parce que c'est assez étrange que personne se soit pointé, mais du coup, finalement, je regrette pas tant que ça, parce que c'est vrai qu'on a eu une soirée très très remplie. Ça aurait été une surenchère d'intervention, ou je sais pas. Enfin, ça aurait été bon pour un pay-per-view spécial SmackDown. C'est peut-être ce qui va arriver dans le prochain, là, dans le Fastlane. Mais là, il y avait trop de choses à faire. On n'avait pas spécialement envie de voir tout le monde. Ouais, Du coup, je effectivement. pense qu'ils vont bien avoir droit à un truc, une revanche, mais alors comment ça va se saucissonner, ça je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est vrai, comme tu dis, hein, c'était un match, c'était limite plus du, je sais pas, du comedy wrestling, mais c'était plus sur le côté scénaristique. On est très très loin de la qualité des matchs de AJ Styles de l'an dernier au Rumble, et de Kevin Owens aussi. Ouais, bah malheureusement, l'alchimie entre Kevin Owens et AJ Styles, elle est... Voilà, ils l'ont toujours pas trouvé, et en plus tu rajoutes de la stipulation qui est un petit peu l'astuce qu'utilise un peu trop là SmackDown pour ses main events depuis plusieurs mois. Donc c'est vrai qu'on est un peu pressé que tout ça se décante un peu plus, quoi, comme c'est un programme très vraisemblablement pour WrestleMania, ça risque un petit peu encore comme ça de tourner un petit peu autour de toutes ces histoires d'arbitrage et de backstage, enfin de politique en backstage. On enchaîne avec. On reste à SmackDown. On reste à SmackDown, effectivement, puisque les Usos affrontaient Gable et Benjamin pour le titre, donc champion tag team SmackDown. Donc deux équipes qui se connaissent par cœur, hein. Ça fait comme des mois qu'ils se courent après. Ça se voit dans le match d'ailleurs, puisque on a plusieurs séquences là au début du match qui étaient assez sympas, où chacun tente un petit peu de porter le premier coup, mais on bat en retraite dès qu'on sent que les autres, enfin dès qu'on sent que c'est pas à notre avantage. Gable et Benjamin qui vont s'employer, comme souvent, à péter le genou de Jimmy à coups d'épaule, de semelle et de poteau pendant de longues minutes. Il va subir, avant que Jay enfin ne prenne le relais, tout frais, hein, tout bondissant. Voilà, le Samoan qui saute par deux fois à l'extérieur, une fois à gauche sur Benjamin, une fois à droite sur Gable. Ça, c'était plutôt bien vu, il était chaud bouillant. Momentum, hein, est de courte durée, puisque Gable s'élance depuis le turnbuckle pour le dropkick sur le second jumeau qui était placé derrière. Benjamin place sa prise là. J'ai oublié le nom là. Comment ça s'appelle Son finisher là, Ouais, c'est pas. c'est pas le pay dirt, c'est pas ça? Je sais pas, je t'avoue. Bon, bref, en tout cas, ça colle pas. Gable fait un moonsault à l'extérieur sur les jumeaux. Ça bondit, hein, l'action décolle, hein. Mais il cible le mauvais jumeau ensuite sur le ring. Et alors là, après, c'est super kick dans tous les sens. On se fait splasher pour le compte de deux. Il survit tant bien que mal, hein, le petit Gable, le petit lutteur. Et finit par se rebouffer 3 ou 4 super kicks. Dont un double, hein, là, qui en général est signe de mort. C'est fatal. C'est fatal pour le compte de 3. Et c'est là, il faut se ressaisir, hein, Gable et Benjamin, puisque finalement ils maîtrisent quasiment le match, mais là ils viennent de laisser filer le premier point. Et ils le font du coup en éclatant le crâne de Jay sur le tapis extérieur. Là, on se dit c'est bon, un des deux jumeaux est éliminé, c'est dans la poche, c'est le moment. Mais Benjamin, qui prépare la prise, enfin qui prépare la prise à deux, se fait surprendre. Il est en train de tenir le frangin Ouzo comme ça pour le mettre face à Gable qui lui monte sur le turnbuckle pour faire donc le finisher. Et c'est le petit paquet alors que Gable armait donc son splash là. Et 1, 2, 3, incroyable mais vrai, 2-0 pour les frangins Ouzo. Gable arrive trop tard et trop court. Une fin de match très surprenante qui a surpris aussi les Ouzo puisqu'ils partent en courant comme ça, hein, comme on fait qu'on a un peu volé le match. Hein, souvent, les catcheurs partent en courant tout de suite, direction le Titantron. Et bah, Gable et Benjamin n'ont plus que leurs yeux que pour pleurer. C'est un peu frustrant, non, cette fin? Ah, moi justement, j'ai assez aimé, c'était court. Du coup, ça a fait, c'était très, enfin, il y avait très beaucoup d'émotions dans ce match. Ces quatre mecs sont vraiment très forts. Enfin, j'aime beaucoup moi cette alliance. Je suis jamais là pour commenter SmackDown, donc j'en profite. Hein, j'aime beaucoup cette alliance Ah, de dis-nous tout. Gable et Benjamin. Je trouve qu'ils ont un catch assez brut, assez violent. Et les Usos, bon, on n'en parle pas d'ailleurs. Mention spéciale aussi à leur entrée. Hein, ils ont été très bons là, les Usos sur le ring. Ils nous ont refait une entrée. Comme d'hab, en parlant très fort dans leur micro pour dire que personne n'était prêt. Je sais plus exactement ce qu'ils disaient, mais bref, ils ont envoyé du charisme. Non, c'était pas mal parce que le premier point a mis du temps à se dessiner et il y a eu beaucoup de near fall, beaucoup de sauvetage de dernière minute. Et en fait, dès qu'il y a eu, comme tu as dit, 1-0, il y a très vite eu 2-0. Donc ça nous a pris un peu de cours, mais moi j'ai trouvé ça pas mal comme choix scénaristique. Après, ça fait une victoire sans appel. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour une poursuite de feud? Je sais pas. Ouais, c'est moi c'est un peu ça qui me chagrine parce que enfin Gable et Benjamin enfin c'est pas qu'ils méritent parce que ça voilà, c'est un peu con de dire ça mais je sais pas, je pense que c'était une j'aurais parié parce que j'ai oublié de valider mes paris mais pour moi effectivement les Ouzo allaient repartir avec les ceintures, justement de par cette stipulation. Mais je pensais que justement, elle allait permettre à Gable et Benjamin de les maîtriser à un tel point qu'ils sont à 1-1 et ils se font avoir effectivement parce que ils sont omnibulés par la victoire et que les Ouzo en face, c'est quand même des tauliers et que. Voilà, ils trouvent le moyen de les avoir. Mais là, c'est vrai que ce 2-0, de façon très clean, derrière, ouais, ils trouveront bien un moyen s'il le faut, mais un petit peu frustrant, effectivement, là, de terminer ainsi. C'est pas la première fois que Gable et Benjamin repartent sans rien, alors qu'ils avaient le match en main et que c'était plié. Ouais, non, bah ils sont d'excellents challengers, mais comme tu dis, est-ce qu'ils méritent, est-ce qu'il faut leur donner? Il y en a tellement des équipes qui méritent que tu changerais la ceinture tout le temps, mais c'est bon. Ouais. Disons que c'est Ouais. un peu frustrant, je trouve, si ça doit clore, même si c'est temporairement la rivalité, c'est un peu frustrant de se terminer sur un match qui n'aura pas donné, qui n'aura pas, voilà, qui l'aura pas donné, ou serait pas donné à 100% de ce qu'ils peuvent faire, quoi. Parce que ce qu'on a vu là, on le voyait déjà, en weekly, c'est un peu la même chose que je reproche par rapport à l'opener. On sait qu'il faut la place pour le Rumble, mais, on a eu des petits weeklies là de luxe et ce serait dommage que cette rivalité se termine ainsi. Donc bon, affaire à suivre, hein. Une fois de plus, rendez-vous mardi pour C'est voir ça. si d'autres équipes, si la Fashion Popo, les Blue John Brothers peut-être, vont aller chercher les Les Auteurs of frangins Ouzo. Pains. Pourquoi pas? Oui, oula, oula, oula. N'allons pas trop vite, monsieur. N'allons pas On trop verra. vite. J'ai envie de voir. Si on veut voir du NXT, on peut encore. Il suffit de regarder le Royal Rumble et on pouvait voir quelques membres de NXT. Et la preuve, puisque si tu veux bien, on va attaquer par le Royal Rumble. Déjà, Le à ce et oui, moment-là. C'est à ce moment-là, on se dit, mais déjà le Royal Rumble, et en plus le Royal Rumble de ces messieurs, et oui, c'est bien le Royal Rumble féminin qui aura les honneurs du main event. Du coup, c'est Rousseff, parce que effectivement, il faut le dire, ce Royal Rumble avait lieu un Rousseff Day, c'était lors d'un Rousseff Day. Du coup, effectivement, c'était tout à fait légitime pour lui d'entrer, donc il entre en première position hein, sous une pop monstrueuse. Annoncé par Aiden English, hein, qui Et vient chanter un peu quand même. bah oui, quand même, il faut le dire. Alors, on va pas faire tout le déroulé, hein, parce que c'est interminable. Effectivement, il se passe beaucoup de choses. C'est de pointer quelques faits. C'est Finn Balor déjà. Ça, c'est quand même, il faut quand même le signaler. Finn Balor qui a eu la deuxième entrée, donc contenant du lourd, et Finn Balor qui du coup aura été l'Iron Man hein, de ce match, Ah oui. c'est le rôle qui lui aura été dévoué. Je ne sais plus combien de temps il est resté. 50 minutes, je crois, au moins. Ouais, comme ça. Effectivement, ils nous le rappelleront suffisamment. C'est le Rumble, on aime bien balancer les chiffres. Mais effectivement, Finn Balor, donc qui va jouer le rôle de l'Iron Man en troisième position. Alors, tu me dis hein, si je me trompe, mais en troisième position, c'est ni plus ni moins que Rhino qui entre. Évidemment, on est à Philadelphie, hein, la ECW, on fait plaisir. Voilà, ECW pour Rhino. Baron Corbin qui est quatrième, et qui se fait éliminer assez rapidement d'ailleurs. Il faut le dire, ce qui va l'énerver, l'agacer. C'est ça le baron, et du coup il va s'en prendre à tout le monde. Il va étaler tout le monde, hein. Rousseff, Finn Balor, Rhino est encore là. Je ne sais plus si t'es encore là. Oui. Non, c'est du coup le tout premier éliminé de ce Rumble, c'est Rhino par Corbin, si ma mémoire est bonne. Et Oui. Corbin, en éliminant Rhino, se fait lui-même éliminer par je sais plus lequel des deux. Et effectivement, il tabasse tout le monde. Il tabasse tout le monde. Et à ce moment-là, la musique de Heath Slater retentit. Et là, bon. On sent le drame arriver. Le baron est sur la rampe, il croise le chemin de Heath Slater, ou c'est plutôt Heath Slater qui croise le chemin de la lariat du baron. Heath Slater s'est fait allonger. À partir de là, on a eu un running gag où à chaque fois qu'un mec entrait, il s'arrêtait et il mettait un bon petit taquet au pauvre Heath Slater qui, du coup, s'approchait au fur et à mesure du ring. En sixième, c'est Elias qui entre et qui du coup a eu le temps de faire sa petite chanson. Quelle C'est chance, quel hasard ouais, incroyable. quel hasard, mais on se moque, mais c'était plutôt quand même pas mal écrit. Ouais. Puis ils se sont donné la peine quand même de scénariser plutôt pas mal ce passage-là. Donc il est là pour chanter évidemment avec la foule. Et de rejoindre donc le ring avec sa guitare. D'ailleurs, est-ce qu'il l'a utilisé sa guitare? Non, il l'a posé. Ah ouais, il aurait Ouais. pu, il aurait pu. Septième entrant, une surprise, pas des moindres, puisque c'est le champion NXT, Andrade Cien Almas, qui entre. Alors on s'attendait à ce qu'effectivement il y a des mecs de NXT qui montent, mais là le champion quand même. Bon là oui, j'y croyais pas. Enfin, j'avais même pas imaginé, surtout après le match de la veille. Et s'il y en a parmi nous qui nous écoutent qui n'ont pas vu ce main event du NXT Takeover de Philadelphie, courez le voir. Mais alors, j'ai pas vu le timing, mais au moins 45 minutes de match, il doit y avoir. Au moins 40 Ouais, minutes. non, non, bien sûr, ouais, ils ont sorti probablement un des matchs au moins 5 étoiles de l'année. Effectivement, donc là, il entre le champion NXT, ni plus ni moins, et en plus, il va se défendre, mais il aura, je crois, une sortie, une élimination à son compteur, et puis il reste, je crois, une bonne vingtaine, trentaine de minutes, même quasiment, Cien Almas, 28 minutes et une élimination. Bon, c'est pas mal, hein, pour le champion NXT. Ensuite, alors attends, 8 et 9, qui est rentré en 8 et 9? C'est Bray Wyatt et qui arrive Bray Wyatt. Bray Wyatt n'aura pas fait grand-chose, hein, je crois, dans ce Non, Rumble. Il a passé à éliminé. côté. Ouais, son compteur d'élimination sera à 2, mais bon, Il a éliminé bah, Matt Hardy, hein, évidemment, qui entre un peu plus tard. Et puis en deuxième larron, Heath Slater est sorti par Bray Wyatt. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Biggie, hein, tout le New Day sera là ce soir. Biggie qui rentre en 9e, Xavier Woods qui rentre en 12e et Kofi Kingston qui rentre en 16e. On aura évidemment la minute, la séquence Kofi Kingston un peu plus tard. 10e, le numéro 10. À ce moment-là, on se dit, est-ce qu'ils vont nous faire le même coup que l'année dernière? Eh ben oui, hein, on cherche pas, on se prend pas la tête. Dorénavant, le nu de 10e entrant, c'est tout trouvé. Le mec, il a sa place assurée pour les 10 ans à venir, évidemment. Ouais, ça serait drôle, mais je t'avoue, sur le moment, j'ai même pas, j'avais oublié ça. Ah oui, ah moi j'étais, ah oui, non, je me suis dit, ah ils vont nous le mettre en 11e, toi. Donc c'est bien la musique du Perfect Ten hein, qui retentit, mais ça ne se passe pas comme prévu. Il se fait attaquer par Sami Zayn, qui du coup en profite et qui va monter sur le ring. Je sais pas si Kevin Owens, ouais, Kevin Owens était là avec lui ou pas, non. Oui, dans les vestiaires, ils l'ont Ah tabassé oui, tous les c'est ça deux. dans les vestiaires, t'as Et raison. puis, a priori, Kevin Owens s'apprêtait plutôt à aller rejoindre le ring et Sami Zayn lui a dit I got this, donc. Oui, d'ailleurs, il lui reprochera un peu plus tard sur Twitter, je crois, en lui disant, bah, écoute, tu m'avais dit que tu gérais, mais t'as rien géré du tout. Bon, voilà, c'est habituel, une petite chamaillerie entre les deux, après chaque gros événement, et puis après, l'amitié étant plus forte que tout, voilà, on se resserre les coudes. Du coup, voilà, Sami Zayn, donc ça me fait toujours marrer, les mecs qui s'insèrent comme ça dans le, dans le Royal Rumble. Il suffit de piquer la place à un mec, et ça roule. Sami Zayn qui n'aura aucun impact sur le match puisqu'il aura aucune élimination si, et il va même sortir très rapidement puisqu'il est resté 6 minutes. Le 11e entrant, c'est qui? C'est Sheamus. Et Sheamus, qu'est-ce qu'il fait? Sheamus, il court et il arrive et c'est lui qui remet Heath Slater, je crois. C'est ça, Il remet exact. parce qu'à ce moment-là, Heath Slater, qui remet entre-temps en plus à manger des pancakes, s'est bouffé 3 ou 4 mecs qui lui ont roulé dessus. Il est arrivé jusqu'au ring, hein, on en parlait tout à l'heure. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il fait? Sympa, hein. Sheamus, il le prend, il le fait rouler sur le ring. Sauf que c'est la fausse bonne idée. Retour de feu, là, comme on dit. Sheamus, il monte et il entre et il se fait éjecter immédiatement par Heath Slater. Donc voilà, l'ami Sheamus qui est resté 2 secondes officiellement. Il est resté 2 secondes. Il n'a pas battu le record de Santino Marella. Le jour où ils arriveront à battre ce record d'une seconde. Non, je pense qu'ils y... Oui, là, c'est foutu, là. Enfin, sur des fois, même quand ils essayent, un botch et c'est terminé, quoi. Donc là, c'était plutôt marrant, surprenant d'ailleurs, puisque à ce moment-là, on se dit, tiens, Sheamus, il a quand même un match ce soir, et il vient au Royal Rumble, Et c'était son anniversaire. et c'était son anniversaire, il a de la chance, et il est né un Rusev Day, donc effectivement, c'est l'anniversaire de Sheamus. Et ce sera d'ailleurs pas le seul à entrer dans le Rumble, alors qu'il a un programme juste après. On verra plus tard d'ailleurs que ça va servir un petit peu l'histoire de l'autre match tag team. 12e, Xavier Woods, hein, qui entre. 13e, Apollo fucking Crews, mesdames et messieurs, qui va donc nous faire. Non, je plaisante, il va pas nous faire un grand, grand, grand Rumble, hein. L'ami Apollo fucking Crews. Non. Ensuite, c'est qui donc? Ah bah, numéro 14, 14, numéro maudit. le numéro maudit qui, quand on entre, quand on est 14e, en général, on finit jobber, ou alors on est Drogué. viré, ou alors on est blessé. Il y a quelques années, c'était Jinder Mahal. Il s'était fait virer ensuite. Bon, après, il est Ça prouve que revenu. la roue tourne. La roue tourne à tourner. Effectivement. Là, c'est Shinsuke Nakamura qui entre. Et oui, qui rejoint donc le Royal Rumble. Shinsuke Nakamura qui aura donc 3 éliminations à son compteur. On verra. Il n'est pas venu pour faire tapisserie, le japonais. Donc la foule est en délire à ce moment-là avec cette entrée de Nakamura. Ensuite, Tac, tac, tac. Kofi Kingston, il est pas encore entré. C'est Yes. Cesaro. Cesaro, justement, ouais, qui entre à son tour. Alors, Cesaro, Sheamus, hein, les deux qui rentrent. Bon, les mecs, ils se disent, on va pas s'économiser, quoi, pour notre match. Kofi Kingston qui entre. Alors, effectivement, je vous parlais de Kofi Kingston qui nous a fait une petite séquence sympa, là, où il s'est fait sortir par Jinder Mahal, qui lui était le 17e entrant. Donc Jinder Mahal qui tente de sortir Kofi Kingston et Kofi Kingston qui atterrit sur Xavier Woods qui a été éliminé par Jinder Mahal juste avant. Il a éliminé quasi tout le New Day, mais... Et oui, ça, oui, effectivement, Biggie et Xavier Woods ont été sortis par Jinder Mahal et Jinder Mahal donc tente de d'éliminer Kofi Kingston qui donc pose son pied sur Xavier Woods et ensuite sur les pancakes et après pour remonter c'est la galère puisque Jinder Mahal l'attend et du coup alors la séquence double séquence extraordinaire de haute voltige hein, puisqu'il prend appui c'est à courte échelle hein, la courte échelle sur effectivement Xavier Woods et Biggie qui le font bondir hein, tel un trampoline par-dessus la troisième corde, mais dans l'autre sens, lui, il passe par-dessus la troisième corde pour entrer. Kofi Kingston, en général, quand on revient comme ça, on se fait rapidement éliminer, ce qui va se passer, hein, puisqu'il va se faire sortir justement par Andrade et Shane Almas, qui donc est l'heureux catcher qui sort Kofi Kingston. 18e, Seth Rollins, la musique de Seth Rollins. Burn it down, qui retentit, là on se dit, c'est pas possible, alors Seth Rollins. Les mecs, ils ont rien compris. Sheamus et Cesaro, les mecs, ils auront un match juste après, mais c'est pas grave, ils viennent se cramer quand même. Mais bon, après tout, il faut tenter sa chance, hein. Il n'y a pas de raison. Seth Rollins qui entre, Matt Hardy, hein, qui le rejoint juste après, qui se fera sortir par Bray Wyatt. On arrive au numéro 20, c'est John Cena. John Cena qui a tiré le numéro 20 et qui rejoint donc le ring. Et en 21, on a le premier, la première légende, on va dire, si je puis dire, un premier retraité hein, ou semi-retraité qui entre, puisque c'est The Hurricane qui débarque, donc Shane Helms qui débarque. Donc, hein, pour ceux qui se souviennent, hein, c'est ce mec qui est grimé en super-héros tout vert, tout fluo. Donc, qui débarque et qui donc il y a un face à face avec John Cena, ils refont un spot où The Hurricane comme ça prend John Cena à la glotte. C'était un spot où qu'il a vu avec je crois Triple H et je sais plus contre qui il avait fait ça, au The Rock, je sais plus. Hein, on nous redira ça dans le chat. Donc voilà, hein, on fait appel un petit peu au bon vieux temps avec l'entrée de The Hurricane. C'était plutôt sympa. 22e entrant, un autre mec de NXT qui débarque. Qui c'est? Adam Cole, baby, qui vient faire une apparence, mais une apparition, pardon, mais qui va pas l'anglicisme, mais il va pas faire grand-chose, hein. Adam Cole, il est plus venu pour faire le nombre qu'autre chose. Après, les mecs, ouais, voilà, il a Il se vendu son. présente. Voilà, il se présente, et puis là, on vend, et ce sera pas le seul, on vend les dégâts d'une NXT Takeover pour attirer le chaland, pour dire mais qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là, pourquoi ils sont blessés. Pour avoir la réponse, il faut évidemment aller regarder NXT Takeover. Ensuite on a 22, là, bon, je vous avais dit que je ferais pas tout le défilé, mais finalement c'est pratique comme ça. Aiden English qui est venu. Mais qui est venu, qui a vu, mais qui a pas vaincu, puisqu'il s'est fait sortir par le démon. Finn Quelques Balor secondes. qui est toujours là. Ah oui, en fait, il est rentré avant Adam Cole, pardon. Randy Orton, ça y est, on commence à lâcher les chevaux. Randy Orton qui arrive pour distribuer les RKO, évidemment. 25e. Bon, allez, Titus O'Neil. Il y a toujours un moment hein, dans les 5-6 derniers où, Souvent, finalement, oui. ouais, où t'as des gros noms et puis t'as un mec. Et c'est Titus ce mec, c'est Titus O'Neil. Non, c'est un autre mec. Ah Il y a un oui. autre mec et un Ah peu plus tard. oui, effectivement, un peu plus tard. Ouais, j'avais oublié celui-là. Titus O'Neil. Ensuite, il y a The Miz qui le rejoint. The Miz, effectivement, entre en 26e position. À ce moment-là, on a pas mal de match-up hein, avec The Miz Cena, The Miz Roman Reigns. évidemment l'ancien champion intercontinental, Cena Reigns, évidemment. Seth Rollins se fait sortir par Roman Reigns d'ailleurs. Et ouais, il s'est fait sortir par Roman Reigns, Un beau bâtard, oui. un gros bâtard. Et puis il le sort, puis il le regarde, puis c'est la loi, hein, on est comme ça, voilà, on s'entraide tous les deux. Et puis après, bon bah voilà, chacun pour Seth soi. Rollins l'a très bien pris. Oui, non mais oui, pas bah, ça à la fois, c'est plutôt cool. Enfin, il s'est fait avoir, il est un peu en mode bonnet de toute façon en ce moment, Seth Rollins, Oui. entre le babysitting de Jason Jordan et se faire éliminer avec le sourire par par son ancien pote. Bon, il accepte un petit peu tout avec, on a dû lui promettre quelque chose pour WrestleMania, hein, c'est pas possible. Ouais, bah, il a dû se dire, de toute façon, j'allais sortir bientôt, j'ai un match dans un quart d'heure. Mais bon. Quoi d'autre? Eh ben après, alors et là, on arrive au numéro 27. Et là, moi j'avoue, j'ai popé, évidemment. Booyaka, 619, Rey Mysterio. Alors à ce moment, on se dit, mais est-ce vraiment Rey Mysterio? Bah oui, il est luchador, c'est facile, mais. Que tu vois quand même la forme que le mec a, il est affûté, Rey Mysterio, il revient plus en forme que jamais, il est loin le temps où il est sorti par la petite porte et qui combattait avec sa chasuble là pour cacher ses bourrelets. Entre-temps, voilà, il s'est refait une seconde jeunesse, hein, Rey Mysterio, donc qui est, on peut le dire, hein, des gros, la grosse. Pas surprise, parce que c'est vrai que c'était un des noms qui était sorti, mais quand même un des gros retours en tout cas de ce Royal Rumble, et qui va faire une petite élimination. On aura du 619, un 619 d'ailleurs sur Cena et Roman Reigns, ça, si je dis pas de bêtises. En même temps. En même temps, donc ça c'était plutôt sympa. Goldust, non, Roman Reigns, pardon, je vous spoil l'affront qu'on a eu en 29e position. 28e, c'est Roman Reigns, justement, qui arrive, qui débarque au ring. 29e, il est rejoint par Goldust, qui est venu faire un petit coucou. Et Goldust, il s'est fait éliminer par qui? Par le 30e. Et qui est-ce? Et le 30e, qui est-ce? Eh ben, c'était Dolph Ziggler. Dolph Ziggler est de retour pour nous jouer un mauvais tour, My évidemment. God. Et en ce moment, on se dit Dolph Ziggler, il revient en 3e position, il nous a fait tout un cinéma là, en partant, en abandonnant le titre US. On se dit, il revient pas pour enfiler les perles. Eh ben si, puisqu'il est resté, accroche-toi bien, 1 minute 35. Alors je veux bien que ça soit la J'aurais pas pensé si court, oui. Ouais, je veux bien que ça soit la 30e position et que du coup, bon, le temps raccourci, mais 1 minute 35, il est resté moins longtemps que Goldust qu'il avait éliminé. Et il se fait sortir par Finn Bálor. Donc, c'était pas joli, joli. Alors, ensuite, maintenant que je vous ai fait toutes les entrées, on a notamment le Final Six. Le Final Six était quand même pas mal, puisqu'on avait la nouvelle garde contre l'ancienne garde qui s'est fait face à face. D'un côté, John Cena, Randy Orton et Rey Mysterio. En face, le futur de la WWE, Roman Reigns, évidemment, c'est lui, hein, le vrai futur, hein, faut pas déconner non plus. Finn Balor et Nakamura, hein, qui est plus très jeune, mais bon, c'est presque un rookie. Il a plus de futur que de passé, en tout cas, la WWE. Ça, on lui souhaite. Exactement, sur la timeline de la WWE, Nakamura a plus de futur. Comme tu l'as dit, donc voilà, hein, c'est l'heure des face-à-face, des poses pour la photo, et tout le monde se met sur la tronche. On a des alliances de circonstances. Il y a pas mal d'interactions qui sont vraiment pas mal. On fait appel, hein, évidemment, aux anciennes rivalités, aux rivalités à venir. Nakamura se prend un énorme double stomp, et c'est Finn Bálor qui se fait sortir par John Cena après. Alors, 57 minutes et 37 secondes exactement. Effectivement, l'Iron Man, Finn Balor, qui aura bien géré, hein, son temps là. C'était plutôt une belle performance. Nakamura ensuite élimine John Cena et il ne reste plus que lui et Roman Reigns. Je ne sais plus qui a éliminé Orton d'ailleurs. Peut-être Ah bah même. c'est pas Senna aussi qui élimine Norton, qui fait un Ah, coup un peu... possible, Je sais possible. plus. Ouais, ça je sais plus. Mais voilà, en tout cas, il reste plus que Roman Reigns et Nakamura qui se font donc face à face. À ce moment-là, on s'accroche à nos sièges et c'est Nakamura qui finit par éjecter Roman Reigns pour la gagne. Ils sont tous les deux, ouais, ils passent tous les deux. Comment ça se le finish? Oui, ils sont à l'extérieur des cordes, hein, Ouais, c'est c'est ça. Ils ça? sont à l'extérieur des cordes et il le fait chuter, évidemment. Et c'est donc bien Nakamura qui direction WrestleMania. Donc finalement, pas de grosse surprise. Pas de grosse surprise sur le gagnant, même si voilà, ils étaient plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire. Globalement, qu'est-ce que tu as pensé du rythme, des entrées, de la répartition, toi? Moi, j'ai trouvé personnellement que c'était un très bon Rumble. De mémoire, j'ai toujours du mal parce que c'est des matchs très longs, donc à la fin du match, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais j'ai eu une impression positive tout le long, surtout le début. Dans ma mémoire des anciens Rumble, le début, c'est toujours un peu plus des moments où il y a de la comédie, des personnages secondaires, alors que là, on a eu dès le début des très grosses affiches. Donc déjà, Rusev Balor, c'est pas mal comme duo, ça ferait un beau match. Baron Corbin, donc qui a duré très peu de temps mais qui a marqué physiquement, comme tu l'as dit, donc Andrade Cien Almas, enfin il y a eu très très vite des gros noms, il y a eu plein de bonnes idées scénaristiques, le fait qu'Elias ait eu son moment un peu, et d'ailleurs il a fait un bon Rumble, enfin il a duré un petit moment. Moi j'ai beaucoup aimé la plupart des choses que j'ai vues dans ce Rumble, et j'ai bien aimé la fin. Alors je vais dire les deux trois trucs qui m'ont un peu fait tiquer. Comme tu l'as dit, il y a eu des entrants un peu bizarres. Bon, Cesaro, Rollins, pourquoi pas, mais bon, je pense qu'on aurait pu. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ce Open Challenge en pré-show et qu'on voit Bobby Roode et Mojo Rawley, par exemple, ou on aurait pu voir, je sais pas, Zack Ryder. Je m'attendais à une petite apparition de Fandango ou d'un des deux, ou un des deux Blue John Brothers aussi, parce que c'est bizarre qu'ils aient pas été là non plus. Ouais. Ouais, donc bon, et puis oui, voilà, on aurait pu peut-être avoir Apollo Crews et Patitus O'Neil, enfin l'un des deux, mais c'est pas très grave. Pour moi, les points les plus étonnants, si on va vraiment vers ce qui est important, c'est effectivement Dolph Ziggler, parce que quand je l'ai vu rentrer en dernier, je me suis dit, ben, j'ai eu un moment où j'y ai cru, je me suis dit, putain, ça se trouve, ça y est, le mec, il a vraiment réussi à négocier, Ouais. il va gagner le Rumble, il va avoir son one-on-one à WrestleMania, je me voyais déjà Dolph Ziggler versus AJ Styles, je me dis... Et puis bah non, comme t'as dit, ça a duré 1 minute 30. Ah, c'est terrible, c'est terrible. 1 minute 30 quand même. Ce cas Dolph Ziggler là. Alors voilà, encore une bonne raison. Je mets bonne entre guillemets de regarder ce qui va se passer là à SmackDown. Mais ouais, enfin cette 30e place, Dolph Ziggler, c'est pourquoi pas. Mais là c'est dur. Le mec n'a rien fait quoi. Y a pas, j'ai pas le souvenir qu'il ait eu forcément d'interactions qui dessinaient une rivalité particulière ou toi un moment particulier on Non, nous il a a rien fait. baptisé donc ça c'était un truc qui était pas mal quand même c'était mais ça fait quelques j'ai l'impression que ça fait quelques années vraiment très très peu de place hein, pour les retraités du catch quoi là c'est vraiment on a tellement un roster c'est honteux d'avoir un roster de cette qualité dans une fédération de catch que bah à part justement The Hurricane et Rey Mysterio et John Cena qui est un free agent, c'est tous des mecs qui sont à temps plein quoi. Ouais, Donc bon, ça t'as raison, parce que moi je me souviens que je crois que c'est le 10e Rumble que j'ai vu, parce que j'ai commencé en 2008, mais oui, à l'époque il y avait 4-5, enfin c'était le vétéran spot en plus. Non, là, bah pour moi il y a eu que The Hurricane, parce que Rey Mysterio, on sait pas ce qui nous donne l'avenir, mais affûté comme il a l'air, je pense qu'il va en profiter pour rester quelques temps. Je ne sais pas s'il a signé un contrat, mais ouais. il n'était pas dans un état de légende, quoi. C'est pas comme quand t'as JBL ou The Godfather là, ou je sais pas qui vient DDP. Ouais, c'est ça. Non, ouais. En plus du Hurricane, avec il y a une annonce hein, de nouveau général manager, notamment à 205 Live. Il y a des choses à aller faire de ce côté-là. C'est un mec qui en plus fait un très bon manager, donc il peut tout à fait peut imaginer que c'est que cette en, qu'en plus ces entrées là, ces retours de vétérans soient faits à bon escient. Et pas juste pour faire un petit coucou, mais pour nous les réintroduire et les utiliser derrière avec intelligence. Donc là, effectivement, sur la gestion du roster, et on verra que chez les filles, c'était pas mal aussi, même si en termes de rapport avec les vétérans, là, il a fallu aller chercher un peu plus loin. C'était pas mal, c'était plutôt bien équilibré. Quelques statistiques rapidement. Record d'élite. Alors, d'après toi, qui détient? Peut-être que. Le record d'élimination de ce Alors, Rumble. j'ai vu aucune stat, donc je suis vierge de toute Ah. information, mais j'y ai pensé parce J'ai que les chiffres, moi, monsieur, alors allons-y. je me suis dit, j'ai pas eu l'impression que quelqu'un a vraiment volé le show à ce niveau-là, au niveau des éliminations. C'est une bonne impression, effectivement. Alors, peut-être, ouais, non, même pas Finn Balor, je pense, peut-être un des mecs de la fin, ouais, mais je pense que ça va pas à plus de 3 ou 4 éliminations, non? Eh ben, tu as tout à fait raison, c'est Finn Balor, mais également Roman Reigns, co-détenteur du record d'élimination, qui est un petit 4. On est loin du temps du record de 12 sorties par Roman Reigns. C'est vrai. Ça a été, en fait, sur les 30 participants, 2, 4, 6, 8, 10, eh ben, écoute, plus de la moitié ont sorti au moins une élimination à leur actif. On a beaucoup de une élimination, c'était un petit peu tu élimines un mec, beaucoup de chances que 2 secondes après tu te fasses éliminer à ton tour. Voilà, après Shinsuke Nakamura, 3 éliminations et 2 éliminations par Wyatt, Mahal, Rollins et Hardy. Voilà. Donc Mais du coup, Wyatt et Hardy, ils se sont auto-éliminés, Oui, effectivement. donc ça fait déjà un de plus. C'est Mais ça. ouais, non, ça a vraiment donné un Rumble agréable, hyper homogène, effectivement, au niveau des talents. Enfin, t'avais l'impression que beaucoup de gens pouvaient potentiellement le gagner. Les quelques petites choses que je peux noter aussi, c'est que Rousseff a eu une pop mais phénoménale. Ah, Et énorme, hein, énorme. c'est revenu quand Aiden English est re-rentré, donc... Ils vont forcément faire quelque chose prochainement. J'avais espoir qu'il gagne ce Rumble. C'était peut-être un peu tôt, je pense, au niveau de sa construction de personnage. Et puis, à l'inverse, très grosse heat quand John Cena et Roman Reigns se sont retrouvés face à face, puisque la foule scandait You Both Suck, donc Ouais, et ils puis plaignaient tous les deux. à ce Mais ils ont... moment-là, ouais, il y a eu, enfin, pour Botchamania, une fois de plus, ils vont se régaler parce que le fameux calling de John Cena, hein, qui est connu pour appeler, donner des indications de façon vocale assez forte, là, était assez dégueulasse parce qu'à un moment, on voit carrément hurler. Des instructions à Nakamura en lui disant Nakamura, maintenant, maintenant, il fait now, now. Et il part, il est filmé et tu le vois en train de donner des indications sous la grosse heat dont tu parlais par le public. Mais ils ont agi comme des heels en plus, c'est drôle. Il y a un moment où ils se mettent tous les deux, je crois, à tabasser Balor ou Nakamura. Ouais, il y a une alliance effectivement de circonstances entre les deux gros big dogs de Stamford là. Donc là, c'est voulu. Enfin, je peux pas croire autrement. C'est voulu pour que ça soit hué, ça. Ouais, bah tant qu'à faire, le temps du Rumble, ouais, voilà, tu embrace the hate, quoi, et t'en fais quelque chose. Et puis après, bon, bah ça reste quand même pour le Rumble, voilà, hein, il faut sortir les autres, quoi. Donc c'est les patrons, hein, c'est les patrons, hein, Cena, Reigns. Donc effectivement, ils ont fait le sale boulot. Voilà, un beau Rumble, quoi, de plus d'1 heure. Avec effectivement bien rempli, pas mal construit, et un Nakamura qui à la fin annonce qu'il ira chercher AJ Styles, évidemment. Alors, on serait presque tenté de se dire tout ça pour ça. On serait presque tenté de se dire Nakamura a eu besoin du Rumble pour sauver un peu bah, tout son booking. Et on n'aurait pas tort, on n'aurait pas tort, mais bon, on y est, on y va. Et on a au moins la garantie d'un gros match-up là, hein, pour WrestleMania. Bon, la qualité va être au rendez-vous. Allez, si tu veux bien, on va enchaîner assez rapidement sur les deux autres matchs qui ont été placés avant le Rumble féminin. On en parlait tout à l'heure. Les deux, enfin les zigotos là, de la division tag team de Raw. Et ben ils reviennent au ring. Hein. Seth Rollins et Jason Jordan qui vont affronter The Bar pour conserver ou pas le titre. Alors, Cesaro et Sheamus qui maîtrisent le match rapidement, ils focalisent leurs efforts sur Seth Rollins qui justement du coup est diminué. Alors ça c'était très drôle. Les deux mecs, ils sont fatigués, mais bon ils disent allez on va tabasser Seth Rollins. Du coup Seth Rollins qui fait le face en péril, puis il va faire quasiment que ça. On verra un peu plus tard pourquoi. Jason Jordan finit rapidement la gueule dans le poteau et semble complètement KO. Il est complètement sonné au point que le staff médical le prend en charge. Abandonnant ainsi son partenaire aux mains des sales européens qui le démontent méthodiquement, l'architraître qui parvient par miracle hein, à obtenir le momentum en déroulant Sling Blade, Blockbuster, Falcon Arrow, enfin bref, tout son arsenal pour le compte de deux. Frog Splash sur le corps gisant des anciens champions qui sont tous les deux et il fait un Frog Splash là sur les deux zigotos en même temps, mais le genou de Seth Rollins le gratte un petit peu, hein, et on va en bouffer hein, du genou fragile de Seth Rollins pendant des années. C'est à ce moment-là crucial que Jordan décide enfin de se relever. Il est comme ça, oh, vas-y, fais-moi le tag, mais sans y croire, sans trop se donner la peine. Il déambule, il fait le tag lui-même, en fait, sur Seth Rollins. Il entre, il est pas bien. Voilà, il vacille et il ressort, il repart, il abandonne ainsi une nouvelle fois son camarade, et il en faut pas plus hein, pour The Bar, qui couche Seth Rollins pour la gagne. The Bar, quatre fois champion, ils récupèrent leur titre, et Jason Jordan est un petit con, mais un petit con avec une commotion, et un protocole pour les commotions, donc qui est en tort vraiment dans cette histoire? On ne sait pas trop. Bon, ils étaient cramés les mecs, mais ils ont quand même réussi à sortir bon, allez, un second handicap match de la soirée. Après Oui. celui avec AJ Styles. Bon, c'était moi sur le principe, moi j'ai bien aimé le match, j'ai bien aimé ce choix scénaristique parce que comme tu dis, on est là, on se dit ah putain, il fait chier Jordan, mais en même temps, bon bah il prend le poteau, il est KO, enfin, ça peut arriver. Mais bon, en général, les mecs ils reviennent, c'est rare, j'ai jamais vu ça, le mec qui se décide à re-rentrer puis finalement bon non. On dirait qu'il allait nous dégueuler sur le ring. Oui, il y a vraiment un moment où tu te dis, Ouais. mais le mec, ouais, c'est ça, il va vomir, il va s'évanouir, il va tomber. Mais bon, ben par contre, moi j'étais un peu comme le public. J'avoue, il y a eu tellement de sollicitations émotionnelles pendant le Rumble juste avant que là, c'était un peu dur de s'y remettre. Et du coup, un événement qui est quand même assez important. Déjà, c'est un changement de ceinture. C'est le premier de la soirée, hein. Oui, c'est le premier de la soirée. Est-ce que ce sera le seul? On verra ensuite, mais c'est le premier. C'est Sheamus et Cesaro qui regagnent. C'est pas mal. Bon, bah, c'est passé un peu discrètement, mais c'est bien. Ouais, c'est vrai que là, ils ont peut-être eu les yeux plus gros que le ventre en termes de storyline dans le match, quoi. Comme tu l'as dit, c'est vrai que on sortait d'un gros Rumble, riche en émotions, et là, il fallait rentrer dans une histoire particulière, quoi. Rentrer dans une histoire particulière, une histoire en plus qui crée des temps morts. Enfin, c'était pas du coup, c'était l'histoire d'un mec qui se fait démonter par deux gars pendant que l'autre est en train de se pr faire prendre en charge par le corps médical. Donc, à ce moment-là, c'est pas le genre de booking qui réveille les gens, quoi. Oui, non, c'était il fallait suivre, enfin. En tout cas, ça demande un investissement trop fort par rapport à ce que les conditions dans lesquelles on t'a mise à la sortie du match précédent, quoi. Parce qu'il faut que tu sois à fond derrière Seth Rollins pour vivre le match, quoi. C'est vraiment seul contre tous à cause de ce lâche, de ce couard de Jason Jordan. Même si une fois de plus, le pauvre vieux, voilà, il était blessé, il a essayé, il a pas réussi. Et voilà. Donc effectivement, The Bar qui enchaîne là, les breloques là. Hein, ça commence à faire beaucoup hein, pour être team. Ouais, puis c'est surprenant et moi je pensais pas qu'il regagnerait, donc ça remet un peu Ouais. Ça rebouscule un peu ce qui va se passer d'ici WrestleMania. Ouais. Moi, j'aurais pensé que ce qui s'est passé là allait se passer en weekly. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui aurait peut-être été préférable de faire. Puisque c'était une histoire, un booking qui aurait été vraiment intéressant en weekly. Mais bon, voilà, hein, on nous l'a proposé là en pay-per-view. Donc, ouais, c'était correct. Mais effectivement, ça tu l'as dit, et malheureusement, c'est que la foule était. Était sèche quoi, on est séché par le Rumble et c'est un ça va se retrouver dans le match suivant puisque on arrive dans l'autre gros steak, c'est du steak de d'ours de sanglier là, Brock Lesnar le champion universel qui vient faire sa pige mensuelle qui affronte ce soir Braun Strowman, l'homme qui détruit les décors et Kane. L'homme qui est toujours là depuis 25 ans et qui visiblement la politique ça a pas dû trop marcher pour lui puisque on lui a trouvé un title shot. Bref, le match va pas durer longtemps. D'après toi, combien de temps il a duré le match? Ah, j'ai pas regardé. Oh, ça fait 15 minutes, non, quand même, moins que ça? 10 minutes. Ah ouais, bon, ça 10 tique. minutes, ça t'est assez expédié. Alors certes, c'était les gros Golgoth, mais c'était un petit peu court. Allez, on en vient rapidement aux mains, effectivement, hein, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Braun qui fonce dans les deux monstres, il explose l'oreille de Brock d'un énorme coup de genou, un peu trop d'ailleurs au goût de Brock Lesnar qui lui met une grosse mandale bien legit là, c'était un vrai coup de poing quoi, genre il était pas content quoi que l'autre lui ait porté un coup de genou aussi puissant et du coup Braun Strowman était complètement sonné, nous a fait une Jason Jordan, il était un peu dans les vapes mais quand même big up hein, à Braun Strowman parce que moi je pense que 99,99% des gens sur Terre qui se prennent ce que Braun Strowman s'est pris de Brock Lesnar, on n'en entend plus parler pendant Meurs, de longs oui. mois. Oui, ça meurt tout simplement. Meurt. Donc ouais, le monstre aura tout le mal du monde justement à tenir debout après ça. Heureusement, le combat se calme après quelques coups d'escalier. Ça va rapidement dehors. Braun a le temps de retrouver ses esprits. Il installe une petite salle à manger là sur le ring, il y a des tables un petit peu partout, c'est sympa, c'est Feng Shui. Les invités arrivent à table, c'est le début alors de Suplex City, les tables qui explosent, les F5 à travers celles des commentateurs. Tarif, c'est le tarif hein, pour Kane et Braun Strowman, qui en plus se fait recouvrir par la troisième table. Mais le monstre parmi les hommes surgit alors des débris, à l'étonnement de Brock. Qui n'en croit pas ses yeux, évidemment. Il se bouffe un, puis deux power slam. Et oui, Braun Strowman a compris que un, ça ne suffirait pas. Il en met deux, il s'apprête à mettre le troisième. Mais Kane intervient, il casse l'ambiance. Et du coup, Kane, il est venu pourquoi? Il est venu pour prendre le F5, hein, voilà, il est venu faire le boulot. Et donc, Brock Lesnar place son F5 victorieux. La bête. Conserve son titre. Bon, voilà, on a eu 10 minutes de gros gars qui se mettent sur la tronche et qui se passent à travers des tables, quoi. Ouais, moi ça m'a un peu déplu parce que je trouve qu'on est complètement sorti du personnage de Braun Strowman, le monstre dominateur. C'était pour moi exactement la même histoire que ce qu'on a eu au fameux Fatal Four Way de SummerSlam, en moins bien. En En plus gros l'histoire, petit et en plus en plus, court. Et voilà, sans Samoa Joe. ça en gros l'histoire, c'est que le vrai champion, le mec le plus fort, le mec le plus que personne n'arrive à détruire, c'est Braun Strowman. Sauf que à chaque fois, Lesnar arrive à se planquer, à passer entre les gouttes et à porter le tombé sur quelqu'un d'autre. Depuis là, Kane, ouais, ça sentait vraiment qu'il était, il était là. Et à chaque fois que Strowman allait l'emporter, il lui empêchait la victoire. Et par contre, là, quand Brock Lesnar devait était peinard pour placer son petit F5, il était là. Donc du coup, ça me dérange un peu parce que j'aurais bien aimé. En fait, quand le Rumble est arrivé très tôt dans la carte. J'ai pas pensé au Rumble féminin, Allez ça me donc, t'as oublié paraissait. pourtant, on les a bouffés, hein. Ouais, non, mais je savais qu'il était là, mais ça me paraissait très culotté, donc je pensais qu'on allait voir ce Triple Threat en main event, et du coup, ça me faisait dire, bon, si c'est le main event, c'est possible que ça change de ceinture. Au final, non. Et je trouve ça dommageable, même pour la fin du règne, parce que, bon, bah, du coup, il y a des rumeurs sur ce qui va se passer pour WrestleMania, pour Brock Lesnar, qui va peut-être enfin remettre son titre à quelqu'un d'autre. Mais du coup, ça sera moins impressionnant parce que là, ça fait déjà plusieurs mois que Brock Lesnar, il est chanceux plus qu'impressionnant, ce qui est dommage pour le monstre, Ouais pour ouais le. ouais non non non effectivement bah en plus il y a toujours ce match là en 1v1 entre les deux qui est un peu dommageable pour Braun Strowman. D'ailleurs à la fin il lui dit ouais tu m'as pas battu tu m'as pas battu enfin tu m'as toujours pas battu un truc comme ça bon, oui enfin si je t'ai battu il y a 2 mois là Ouais. si voilà mais ouais non je suis d'accord avec toi ce match était pas c'était pas très bien booké quoi on... Voilà, ils ont pété des tables, ils ont, enfin, ce qu'ils font depuis des semaines et des semaines, ils ont pas besoin de pay-per-view pour le faire. Enfin, c'est limite c'est limite moins destructeur que ça ne l'a été lors des weeklies où ils démontent les décors, etc. Donc Oui, ça n'a pas eu de gros spots au final. Il y a eu ce moment de la, ouais, où Strowman se relève des décombres. C'était assez drôle, ça. ouais, parce que ils le regardent, c'est effectivement ça. C'est Brock Lesnar. Et impressionné par la puissance et tout ce que Braun Strowman peut encaisser. Et effectivement, malgré tout, Brock Lesnar reste le champion. Il est plus malin, plus stratège. À chaque fois, on trouve, à chaque pay-per-view, on trouvait. En fait, là où c'était intéressant, c'est qu'à chaque pay-per-view, il y avait vraiment une progression intéressante de Brock Lesnar. Puisque, hein, il faut quand même. L'idée, c'est de progressivement montrer. Soit des points faibles ou montrer que à chaque fois qu'il y a un prétendant, il a un avantage sur Brock Lesnar. Soit il est plus fort, soit il est plus résistant, soit il est plus hargneux que c'est Samoa Joe, etc., etc. Soit il est plus vif comme AJ Styles. Mais à chaque fois, Brock Lesnar parvient à trouver les ressources nécessaires pour l'emporter, mais on sent que il est mis à rude épreuve. Et c'est vrai que là, ce pay-per-view là n'a pas apporté grand-chose de plus à Brock Lesnar, encore moins à Braun Strowman. À la limite, Braun Strowman, là, voilà, après sa défaite face à Brock Lesnar, fallait le confirmer que c'est vraiment lui le plus fort. Mais ça fait des semaines qu'on nous le raconte, il n'y avait pas besoin forcément de ça. Donc c'était là, mais ça n'a pas vraiment pas fait avancer les choses. Non, enfin, je sais pas. Brock Lesnar va vers la fin, donc il est temps. Le passage doit se faire, le passage de flambeau. Si on a construit tout ça pour qu'au final, ce soit ce qui est un peu sous-entendu partout, donc Roman Reigns qui déboule comme une fleur à WrestleMania et qui batte Brock Lesnar en 1 contre 1. Si c'est vraiment ça, je serais déçu déjà parce que j'aime moins Roman Reigns que Braun Strowman, je l'avoue. Et ensuite, parce que oui, ça ferait. Du coup, Braun Strowman, il a planté les graines d'une longue feud, d'une longue marche vers le titre. Et au final, il se la ferait prendre un peu comme ça sous le nez. Bon, on n'en est pas encore. On va voir si les plans pour WrestleMania sont bien les rumeurs pressenties. Mais ça serait un peu dommage. Enfin, Ouais, bon, effectivement. on verra bien. Bon, ça y est, on y est, hein, le main event, le Yeah. Royal Rumble, le premier Royal Rumble féminin de l'histoire, avec au commentaire Stéphanie McMahon. D'ailleurs, une petite note, c'était assez horrible, les commentaires de Stéphanie. C'était nul. On aurait, franchement, j'avais l'impression que Corey Graves et Michael Cole, enfin les autres commentateurs, avaient une petite boîte avec des sons préenregistrés de Stephanie McMahon et qu'ils appuyaient dessus pour commenter le match. Oh, look at that. C'est ça. T'as Ah. look at that. Oh, elle faisait plein de oh, On she's aurait dit making que c'était history. C'était Stéphanie McMahon, mais à 6 ans, quoi. Ah ouais, exactement. Enfin, genre qui découvre le monde, quoi. Ah. Donc ouais, ça c'était assez naze. Allez, c'est parti pour ce premier Rumble et on commence fort puisque les deux premières entrantes sont ni plus ni moins que Sasha Banks pour Raw et Becky Lynch pour SmackDown et c'est Sasha Banks qui sera le Finn Balor de ce Royal Rumble, son équivalent, l'Iron Woman, puisqu'elle va rester 54 minutes 46 secondes dans le match. Malheureusement, Becky Lynch, elle restera un peu moins longtemps. Donc les deux hein, se mettent sur la tronche. Elles sont rejointes ensuite par Sarah Logan, la fille des bois, la fille des bois qui débarque. Elle a son équivalence de Raw qui débarque, c'est Mandy Rose. Ouais, bah évidemment à part Paige, toutes les filles des deux factions seront là ce soir. Et il ne faut pas attendre plus longtemps pour avoir la première grosse entrée de vétérans ou de retraités ou semi-retraités, puisque c'est Lita. Eh ouais, Lita qui est venue faire coucou. Alors Lita dans un voilà un comment dire un accoutrement original et assez inattendu. Puisque elle a mis son pantalon la cargo espèce de grosse salopette là c'était pas forcément du plus c'était pas dingue et je l'ai trouvé un petit peu en mode gueule de bois Lita hein. Elle était pas Moi, il m'a pas fait grande impression. Elle fait partie des. C'est pas ma génération, Salita, je suis arrivé après. J'ai été impressionné de l'avoir parce que j'ai trouvé qu'elle était immense, en fait, par rapport à toutes les filles qui étaient là. ouais. Elle est très très grande. Et globalement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de vétérans qui sont revenus qui paraissaient beaucoup plus grands. La moyenne de taille a baissé chez les filles. Non, elle était encore un peu dans le game. Le public a gentiment chanté des You Still Got It. Mais non, elle était pas. Elle est plus. Elle est fatiguée quand même. Ouais, non, non. Bon, il y a eu en plus cet énorme botch là qui fait le bonheur des gifs avec quand elle se retrouve dans le coin avec Sasha Banks. Et Sasha Banks lui met des coups de pied dans le vent et elle le vent à moitié. Bah, c'était assez affreux. Bon, il y aura eu pas mal de botch hein, dans ce Royal Rumble, notamment dès que bah, les vétérans reviennent sur le ring. Alors, dans les vétérans. Donc on a eu évidemment Lita, mais également alors Torrey Wilson qui était là, Molly Holly qui est venue faire un petit coucou, elle qui disait qu'elle n'était pas en forme, etc. Michelle McCool, hein, 14e position qui est venue, et Michelle McCool qui a le record d'élimination, qui du coup détient actuellement le record d'élimination du Royal Rumble féminin, puisqu'elle a sorti, accroche-toi, 5 autres Ah catcheuses, ouais. et ouais, dont Sonya Deville, Liv Morgan, Molly Holly, on en parlait juste avant, Lana qui est venue, qui a Qui était vu là? et qui est passée par là, ouais, qui était là, et je ne sais plus qui est l'autre que Michelle McCool a sorti. Ah oui, c'est quoi, elles se sont mis à 4 pour sortir Vicky Guerrero, et Ah oui, oui. Vicky Guerrero, à la 16e position, excuse me. Énorme pop et hit en même temps évidemment pour Vicky qui est venue excuse me et alors quand elle est montée sur le ring je demande aux autres de tout le monde de s'excuser elle s'est fait éjecter par Banks, Lynch, McCool et Ruby Riott ouais Tout c'est le monde ça a obéi pendant 1, 2, 3 secondes, c'est ça. mais c'est tout. Arrêtez, excusez-moi. Et Vicky Guerrero, donc, qui est de retour à en faire venir Mysterio, Guerrero. Et oui, c'est comme ça. Sinon, on a eu deux montées de NXT. La première, en 6e position. Qui c'était? Qui c'était? Un pirate. Une pirate. Et ouais, c'est ni plus ni moins que Kairi Sane qui est là. Et ouais, là. Belle pop. La gagnante hein, du tournoi féminin, belle pop pour effectivement, enfin, depuis on l'a pas vu tant que ça à NXT, voilà, se fait bully par les comment elle s'appelle, mince. Les Australiennes. Oui, notamment, effectivement. Bref, la deuxième, qui c'est? On a eu Shane Almas, le champion, qui est venu. On a eu également, évidemment, Ember Moon, qui arrive en 23e position. Ember Moon, avec un joli match-up, avec Asuka, évidemment, entre Et les deux. un bras bien ficelé, hein, pour nous dire qu'elle a morflé la veille aussi. Gros bandage, Ember Moon, qui est venu, ouais, faire coucou, hein, 6 minutes. Pas resté très longtemps, mais elle a quand même fait une bonne impression puisqu'elle a pu passer son finisher. Elle a eu son match-up avec Atsuka qui l'a regardé. T'as raison, elle l'a regardé. Elle a regardé son bandage. Je dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé à ton bandage? Enfin, pourquoi t'as un bandage et tout? Ouais. T'es là toi aussi. Donc ça, c'était plutôt sympa. Qui sait qu'on a eu d'autres du côté de Raw et SmackDown. Tamina. Alors, ça me fait marrer. Tamina lente en 7e position. Et à ce moment-là, t'as Stéphanie qui fait, enfin les commentateurs, Stéphanie qui font, oh là là, attention, la Tamina, cette fois-ci les choses sérieuses commencent. Bah Tamina, elle a éliminé personne et elle s'est fait éjecter au bout d'une minute 34 secondes. Voilà, la force de SmackDown, le monstre de SmackDown. Bravo, en plus elle avait une tenue hideuse, tout de blanc vêtue. Dana Brooke qui est venue, Bien qui a meilleure performance. Dana Brooke qui est venue et qui a fait une sacrée sorte d'élimination puisqu'elle a éliminé justement Kairi Sane. Donc voilà, mais bon, elle s'est fait éliminer après, juste après, par une vétéran, en l'occurrence Tori Wilson, Sonya Deville, Liv Morgan qui était là, et sinon, et Ruby Riot, voilà pour les factions. Ruby Riot qui évidemment s'en sort le mieux parmi toutes ces filles des factions de Raw et SmackDown, puisqu'elle a sorti Becky Lynch, hein, si je dis pas de bêtises. C'est fort probable, oui. Becky Lynch qui s'est fait sortir par Ruby Riot. Becky Lynch qui était une des favorites, hein, de ce Rumble. Mais comme d'habitude, en plus, mais elle était un peu bébête, je crois, une fois de plus, Becky Lynch. En termes de stratégie, elle a passé le. À chaque fois, elle cassait les tentatives d'élimination des autres, quoi. Non, c'est Sasha Banks ça, qui a surtout fait ça. Hein. Ah ouais, Enfin, en tout cas, bah. Corey Graves a surtout relevé Sasha Banks qui a fait ça. Ah ouais? Ouais. Bah moi, écoute, Becky Lynch aussi, hein. Becky Lynch a fait Peut-être, la ouais. même. Parce que j'ai regardé encore une deuxième fois cet après-midi et j'étais là, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, combative, Becky Lynch, mais complètement teubée, quoi, a cassé les tentatives et du coup, elle se fait éliminer Ouais. par la jeune louve Ruby Riot, par la punk à chien plutôt Ruby Riot. Ouais, Sasha Banks, Becky Lynch, malheureusement, qui n'iront pas jusqu'au bout, du bout du bout. Quoi d'autre à noter? En entrée, on a eu ensuite Carmella avec sa mallette. Carmella qui est restée très longtemps, Carmella. 18 minutes et 45 secondes, Carmella. Mais aucune élimination compteur. Mais pas mal de botch hein, quand même pour Carmella. Là, c'était pas Jojo. Elle a pas fait une très belle impression. Elle était surtout là pour faire la fille qui fuit les combats, les affrontements. Pas mal de botch aussi du côté des vétérans. Hein. Michelle McCool, elle a eu l'honneur d'avoir les 5 éliminations, mais entre elle et Kelly là, c'était pas Jojo. Voilà, hein, c'était la division Diva fin des années 2000. On se rend quand même compte de, ok, c'est mal booké du côté des filles, mais le work rate est quand même un cran au-dessus. Hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de mystère. Naomi, Natalia. Qui arrive, Naomi qui aura le spot, Naomi Kingston, hein, on peut l'appeler comme Oui. ça dorénavant, puisqu'elle se fait sortir et elle atterrit, elle se fait éjecter en fait et elle atterrit sur les catcheuses qui étaient en contrebas. Et du coup, après, elle monte sur la rambarde et puis elle rejoint le ring comme ça, en allant sur la rambarde, puis sur la chaise. Alors, ça, c'est un spot que Kofi avait déjà fait d'ailleurs, utiliser la chaise. Ouais, c'était quasiment du copier-coller, sauf que Kofi, il avait, c'était plus spectaculaire parce qu'il était resté, en fait, il était debout, il était, comment on dit? Accroupi debout sur la chaise et il avait fait des petits bonds avec la chaise, Ouais. alors que elle, en fait, elle s'est juste, elle a rampé au sol, mais en laissant ses pieds, sur la chaise pour pas toucher. Bon, c'était un peu moins. Ouais, et Ils ont... puis qu'est-ce qui se passe qu'on a offert à la Kingston et qu'on revient sur le ring? On n'y reste pas. On n'y reste pas, puisqu'évidemment elle se fait éliminer par Nia Jax. Et ouais, Nia Jax qui est là, hein, le monstre Nia Jax, qui aurait quand même mérité d'avoir le record d'élimination, hein, de laisser ça à Michelle McCool. C'était pas cool. Nia Jax, Sasha Banks et Nikki Bella, 4 éliminations, parce que oui, effectivement, les frangines Bella vont débarquer. C'est un petit peu plus tard, entre-temps, on a quand même. En vétéran, Jacqueline qui était là. Voilà. Ok. Hall of Fame. C'est ça, un Hall of Fame de l'année dernière, je crois. Alors, tu avais. Comment. Justement, Stephanie McMahon qui en pouvait plus quoi à chaque entrée, c'était l'histoire, toi. Donc c'était, elle mettait over, à tous les retraités quoi. C'était pas à ce moment-là du grand catch. Hein. Beth Phoenix, grosse pop pour Beth Phoenix. Hein. Beth Phoenix, 24e entrant, grosse pop pour Beth Phoenix et les retrouvailles avec Natalia, Diva c'était. of Doom. Ouais, ça c'était sympa. Moi, j'avoue que c'était un de mes petits rayons de lumière à l'époque de la Diva, la division Diva quoi. Les deux là étaient vraiment super. On se fait un gros câlin. Ça dure pas longtemps puisque Natalia met une grosse gifle à Beth Phoenix et sort Beth Phoenix. Hein. Beth Phoenix fait sortir voilà au bout de 2 minutes par Natalia. Mais une belle pop pour Beth Phoenix. Ça fait plaisir. On pensait pas forcément qu'elle serait là puisqu'on l'avait beaucoup vue ces derniers temps et que bon. On s'est dit, eh ben si, elle était là et elle a fait le boulot. Atsuka. Voilà, la favorite. Qui entre en 25e position. Atsuka qui va éliminer 3 catcheuses. Pour compteur. 3 catcheuses. Atsuka qui entre pour 20 minutes. Des gros match-up évidemment avec Ember Moon notamment. Sasha Banks et bien d'autres. Elle est suivie par Mickie James. Mickie James qui vient, pareil, match-up avec la 30e en 30, je la garde pour la fin. Je vous en ai parlé, Nikki Bella et Brie Bella sont les deux, enfin 27 et 28, elles débarquent, elles sont de retour, les frangines Bella, ça y est, on imagine, on suppose, on ne sait pas trop en fait. Elles viennent, et 29e, c'est qui, Monkey? Bah c'est Bailey, eh oui, It's Bailey, qui elle a éliminé, je ne sais même plus qui elle a éliminé. Bailey, elle a Je crois qu'elle éliminé. n'a pas fait grand-chose, hein. Non, bah non, voilà, c'est ça le problème. Une fois de plus, Bailey n'a pas fait grand-chose. Elle était surtout là pour se faire éliminer par Sasha Banks. Ça fait Oui. juste 1 an et demi qu'on nous tease la fin de l'amitié, la trahison entre Sasha Banks et Bailey, quoi. Donc bon, Oui, voilà. mais en plus, comme tu l'as dit, pour les hommes, c'est le Rumble, donc c'est même pas. Oui, il y a eu une bonne hit sur le moment, hein. Tout le monde était un peu deg, le public, hein. Mais comment elle a pu faire ça? Mais bon, Roman Reigns avait fait la même à Seth Rollins Ouais. 2 heures avant, c'est le Rumble. Ouais. Ah, d'ailleurs, j'ai vu sur le chat, je garde un petit œil sur le chat là, quelqu'un qui disait que en fait Seth Rollins, il sourit à Roman Reigns qui vient de le sortir parce qu'il apprécie la trahison. Toi, c'est un concept qu'il connaît et du coup, il fait Ah. ah, c'est une bien belle trahison que tu viens de faire là, je suis fier de toi. Ah, Je bien sais pas joué. si Bailey va le prendre pareil, mais voilà, c'est fait éjecter par Sasha Banks et enfin la 30e en 30, c'est ni plus ni moins que la reine, hein, la reine Trish Stratus, 7 fois championne, 7 fois championne, 7 fois championne des divas, Trish Stratus qui va éliminer 3 autres catcheuses, et ouais, elle va éliminer Mickie James, évidemment, le match-up hein, entre Mickie James et Trish Stratus, les retrouvailles, une des grosses rivalités hein, au long cours de l'époque, et Trish Stratus qui va en éliminer d'autres, Natalia notamment, et puis ouais, elle va participer à la sortie de Nia Jax hein, qui se fait sortir par Natalia Bailey, Atsuka, les Bella et Trish Stratus quand même, hein, il faut au moins 6 pour sortir Nia Jax. Et on arrive tranquillement au carré final. Le carré final, c'est Sasha Banks, Asuka et les sœurs Bella. Alors là, chapeau à celui qui avait pu pronostiquer un tel carré. À ce moment-là, Ouais. on a un petit peu peur quand même, hein, puisque d'autant plus que Sasha Banks se fait sortir la première, malgré l'alliance de circonstances qu'elle a mis en place avec les frangines Bella face à Atsuka, ce qui était plutôt bien vu, puisque Atsuka lui propose une alliance à Sasha Banks. Sasha Banks a été plutôt maligne en disant, attends, c'est toi, si je me retrouve face à toi, ça va être un petit peu compliqué. Et ça lui a joué un tour parce que elle s'est fait sortir dans la nièce de Snoop Dogg, l'Iron Woman. 54 minutes 46 secondes pour Sasha Banks. Quand même. Mais à la fin, elle perd. C'est un peu ça, Sasha Banks. Elle gagne jamais très longtemps. Et donc, il reste les frangines Bella et Atsuka. Et là, on se dit, oh putain, c'est pas possible. On est mal. Heureusement, son tricône. Heureusement, elles sont très connes, effectivement, puisque les vieux démons reviennent. Les vieux démons reviennent, ou les vieilles démons reviennent puisque Nikki Bella trahit, c'est vraiment l'histoire de trahison, hein, c'est Rumble, trahit Brie Bella, elle éjecte sa sœur, on se souvient de cette magnifique rivalité entre les deux, il y a quelques années de ça, il ne reste donc plus que Nikki Bella, Asuka, là on se dit, pourquoi pas, en finale, les deux se rendent coup pour coup, et à la fin, on passe par-dessus la troisième corde, on est sur le bord du ring, Asuka met un coup de petit pied bien vicieux à la femme, ou non, la fiancée, pardon, de John Cena, la fiancée de John Cena, et c'est donc bien Asuka qui remporte le Rumble. La grosse favorite était, c'était pas la favorite pour rien en tout cas. Asuka d'un côté, Nakamura de l'autre. Le Japon, le soleil du Japon, la brille sur ce Royal Rumble. Écoute, même question pour toi. On va pas tout redécortiquer, mais qu'est-ce que tu as pensé de l'équilibre de ce Rumble, du dernier carré? Globalement, j'ai bien aimé ce Rumble, enfin, j'ai trouvé ça très divertissant. J'ai regardé ça, je me disais vraiment, après, enfin, on en a qu'une fois par an des Rumbles, et c'est quand même prenant en termes d'émotion, parce que bah, c'est le seul match où tu as une action en permanence, où ça dure une heure quasiment. Donc après celui des mecs, je me dis, mais comment on va le vivre? Et du coup, c'était beaucoup moins ambitieux, en fait, comme tu l'as dit, c'était... Il y avait beaucoup de vieilles vétérans, il y avait beaucoup de botch, c'était, ça se prenait moins au sérieux, ça donnait, enfin voilà, c'était juste un moment un peu sympa. Moi je trouve ça assez fun à suivre. Après c'est vrai, beaucoup de vétérans qu'on nous avait montré en plus la semaine dernière lors du Raw des 25e anniversaire, et c'est vrai que bon, je pense que c'était volontaire parce que déjà, les vétérans mecs, en général, des fois, il y en a qui tombent un peu à l'eau. Mais alors mais là, qui est ce type? Ah ben là, perso, moi, Torrey Wilson, Jacqueline, Molly Holly, bon, c'est des noms que, voilà, mais j'ai jamais trop ouais, connu. Ça fait appel vraiment... Ouais. Non, c'est pas la génération précédente, c'est l'autre d'avant encore. Hein. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, chez les hommes, ceux qui ont un peu marqué l'histoire, on les revoit souvent dans les clips, mais les femmes, c'est très rare. Enfin, ouais. À part Trish Stratus et Lita, quoi. Donc le Rumble était sympa à suivre. Il y a quand même eu deux trois trucs qui m'ont gêné. Moi, il y a eu beaucoup beaucoup de temps mort. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de moments où il y avait que un contre un sur le ring et les autres se reposaient hors du ring. Alors, ça, c'est un sujet qui fait débat effectivement. Effectivement, les filles ont joué plus la carte que les mecs de je me repose à l'extérieur du ring, et du coup l'action était alors je sais pas toi comment tu l'as vécu, est-ce que pour toi c'était plus lisible du coup ce qui se passait, ou est-ce qu'au contraire ça t'a, au bout d'un moment tu perds le fil et tu dis mais attends, mais il reste qui? Ben oui, moi c'est complètement ça. Il y a des moments je me suis dit mais pour des catcheuses un peu de mid-card, là, à un moment, je me suis demandé, mais Carmella, elle est encore là ou pas, ou Natalia aussi, enfin. Carmella, même Sasha Banks, vu qu'elle fait Iron Woman, et au bout d'un moment, tu clignes des yeux, tu sais même plus si elle est encore là ou pas. Ouais, donc, Yana, bon, Nia Jax, on a bien vu, puisqu'on a le spot où elle est sortie, mais sous la troisième corde, d'ailleurs, Stéphanie nous l'a bien rappelé, hein, puisque visiblement elle découvrait le truc. Et, ah non, c'est non, pas deuxième corde, pas troisième corde. Non, non, elle est pas éliminée. Mais ça, on se doutait qu'elle allait remonter. Mais sinon, les autres, ouais, au bout d'un moment, tu sais plus trop où t'en es. Et j'ai trouvé ça un peu, alors bon, peut-être pas le bordel, tout le monde sur le ring en même temps, mais ouais, des fois, tu savais plus trop où t'en étais. Et sinon, niveau roster, bah, moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu Paige, hein, mais la pauvre, elle est blessée. Et je pense que si on fait la liste, on a eu tout le monde, sauf la grande absente, peut-être qui est blessée aussi, je ne sais pas, c'est Alicia Fox. Où était Alicia Fox ce soir? Blessée. Ah, tu sais, elle s'est pété le coccyx. Ah, je ne savais pas. Bon. Et visiblement, bon, ça on n'en saura jamais vraiment rien, mais elle aurait été remplacée par Kairi Sane. Bon, ça m'étonne un peu parce que c'est quand même pas une remplaçante anecdotique, toi, c'est quand même... Enfin, toi, ça fait, Oui. ça équilibre les deux, enfin deux NXT, deux membres NXT de chaque côté, les mecs et les filles. Mais toujours est-il qu'elle s'est pété le coccyx. Et du coup, elle est aussi out pour le mix match challenge. Qu'elle était Ah avec oui, où elle devait être avec Goldust, ouais. Goldust, ouais. Bon, bah, je me suis demandé, mais alors, ok, elle Mais est moi passée là. aussi, pendant, j'étais là. Allez, la prochaine, c'est Alicia Fox. La prochaine, c'est Alicia Fox. J'ai fait une espèce de fixette. Et voilà. Et puis après, on m'a dit, ah, calme-toi, elle est blessée. Ah, voilà, Pas trop rabat-joie. triste. Bah, un peu. Un peu. Un peu. Ouais, Bon, et toi? carrément. Ouais, Bien effectivement. vécu? Mais c'est vrai qu'il y a eu. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était fun. C'était. Effectivement, tu vois la différence, enfin le roster, et voilà, c'est clairement il y avait plus de place pour les anciennes. On aurait pu facilement peut-être virer quelques vétérans qui vraiment ont fait un peu flop et mettre peut-être un ou deux membres NXT ou je sais pas quelque chose comme ça. Mais après, il y avait une volonté visiblement aussi de vraiment faire un bilan de l'histoire de la division féminine et aussi de remercier quoi toutes ces filles qui bah, ont construit la division féminine parce qu'on nous parle de révolution etc mais elles ont toutes contribué et c'est vrai que là le Rumble c'est le truc nouveau et de voir bon, des bêtes phénix participer au Rumble c'est génial bon après voilà Bon, elle est j'aurais connue. bien aimé qu'elle dure un peu plus longtemps et Ouais. que d'autres. Et puis d'autres, voilà, Jacqueline, voilà, c'est Hall of Fame, et puis Kelly Kelly, voilà, c'est Diva, Michelle McCool, bon, alors elle, hein, voilà, hein, c'est un peu du despotisme, pardon. Parce que, ce record de 5, là, il me reste en travers de la gorge, mais. Bah, on a eu beaucoup et c'était peut-être un peu prévisible. La nature humaine est comme ça, c'est un peu regrettable, mais toutes les femmes de catcheurs ont entendu, bah, on a entendu Rusev Day quand c'était Lana, on a entendu Undertaker quand c'était Les Michelle McCool, Yashant, on a entendu les Yes Chants, on a entendu les John Cena Sucks. Il y a un côté, voilà, c'est à l'ancienne, c'est sûr que quand John Cena rentre, personne ne lui chante la musique de Nikki Bella ou, ou le des. seul catcheur qui avait, parce qu'il faut parler de lui malheureusement au passé, qui avait droit à ça, c'est Tyson Kidd, qui était les chants, c'était Natalia, enfin qui était Marine Natalia quoi. Ouais. On lui chantait tellement Marine Natalia, et Marine Ouais. Natalia. Dur, c'était dur pour lui. Bah oui, mais maintenant du coup. Mais Ouais. c'est vrai que y avait, en tout cas, c'est une surprise puisque les, je crois que c'était Metzer et puis quelques spécialistes disaient que c'était l'inverse, y aurait eu très peu de vétérans et plutôt des gens de NXT. Donc du coup, non, pas du tout, hein. Ils ont joué la carte de la facilité. Ouais, carrément, puisqu'en vétéran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouf, attends, oula, 8, 9, allez, 8, 9 vétérans, peut-être même 10 quasiment. Hein. Ouais. Ça dépend où tu comptes les Bella, mais oui, il y en a eu un paquet. Mais Ouais, je compte. Alors non, je suis sur la page Wikipédia. Il compte Nikki Bella comme étant un SmackDown et Brie Bella comme étant un vétéran. Parce que Brie Bella, effectivement, officiellement, elle avait pris sa retraite, hein, contrairement à Nikki Bella qui était sur la liste à l'infirmerie, quoi. Brie Bella, ouais. elle avait dit, elle avait fait une déclaration comme quoi c'était fini pour elle. Ce que j'appelle vétérans, c'est ceux, ouais, qui sont sans contrat et qui ont fait carrière à la WWE, que leur carrière est a priori derrière eux. Ouais, c'est vrai que ouais, de NXT, on aurait pu peut-être un petit peu changer ça, mais. Ouais, moi je pensais qu'on aurait Nikki Cross ou Peyton Ross, là où les. Ouais, bon. Moi, déçu, c'est Bianca Belair, pour moi, aurait pu faire très bien justement un petit coucou parce que ça faisait partie de ces filles de NXT qu'on nous montrait un peu dans les derniers weekly de NXT et que c'est cette fille hein, qui se bat avec ses cheveux et ça faisait un spot tout cuit là dans le Rumble où elle vient, elle fouette trois ou quatre catcheuses avec ses cheveux puis elle repart quoi. Donc ouais, il y avait moyen peut-être d'en mettre une ou deux. Mais bon, là on a fait monter des gros noms de NXT. Mais c'est vrai, bon, c'est l'équilibre est à peu près est assez proche de celui de chez les hommes, mais clairement il a fallu combler un peu plus les trous avec des vétérans. Et puis c'est vrai qu'il y avait Ouais. cette histoire aussi d'histoire d'historique etc. Donc fallait mettre un peu de tout quoi. un peu tout, Ouais. donc Alors du coup, juste avant de conclure, puisque le show n'a pas fini là-dessus, Non, oui, bien sûr, oui, je je compte en parler, voulais mais oui. 2 minutes de petit débat juste avec toi, c'est quel avenir pour le Rumble féminin, puisque le problème, enfin, de mon point de vue, une fois qu'ils en ont créé un, ils peuvent plus faire une année sans, enfin, ça me paraît très difficile en termes de d'image. Mais est-ce que effectivement ils n'ont pas fait un très gros Rumble pour démarrer? Est-ce que l'avenir va pas aller plutôt sur des Rumbles à 20 ou 15? Parce que bon, bah, on va pas pouvoir ressortir des légendes, on va pas pouvoir ressortir 8 légendes tous les ans, et pas pouvoir nous renvoyer Kelly Kelly tous les ans non plus pendant 10 ans. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, moi j'en pense. Quand les femmes font l'histoire, il faut poser ses couilles quoi sur la table. Maintenant, faut assumer quoi. Faut assumer jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel à continuer les Royal Rumble à 30 participantes. C'est vrai que c'est une possibilité de se dire, on va, c'est le premier, donc on marque le coup, on fait à 30 entrants, mais ce serait dommage de se priver de ça, quoi. Le format Royal Rumble, c'est, ça a toujours été, enfin, non, pas toujours, il y a eu des Royal Rumble à 40. Je crois qu'il y a eu une année, il y en a eu un à 40 participants. Oui, celui qui gagnait par Del Rio, mais au tout début ils étaient 20, je crois, hein, juste l'année où Jim Duggan gagne. D'accord, ouais, effectivement. Bref, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans, ce serait un peu dommage. Je pense que là, il faut vraiment se caler sur ce que font les mecs et les mecs. Enfin, toi, faut que c'est une. Enfin, il y a la place. En tout cas, il y a la place. Il y a la place. Je sais Les. pas. Ouais, la place pour que le Rumble continue tous les ans, oui. Qu'il y en ait 30, je sais pas, faut voir. Autant le Money in the Bank, oui, c'est sûr que bah il suffit de 5 ou 6 nanas, mais faut voir. C'est vrai que. Bah, je sais pas, parce que regarde, les mecs, ils font des Rumble à 30 et ils te placent quand même les Titus O'Neil, les Goldust et. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils ont 30 spots, mais c'est pas. Il faut du jobber, il faut du vétéran, il faut des mecs qui sont là pour se faire éliminer en 2 secondes, il faut du comédie, il faut de tout. On peut pas mettre les 30 meilleurs à chaque fois. Ouais, mais tu vois, Et. il y a 30 mecs, plus il y a quand même, ben voilà, il y a eu ben, deux matchs, quatre matchs. Alors. Quatre matchs. Effectivement, Alors que là, chez les filles. là du coup, le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, un, il n'y a pas eu de match de championnat, les filles, les championnes sont restées assises comme de bêta à regarder le Rumble, ça doit être à la fois super et horrible pour elles, Charlotte et Alexa Bliss, de voir que, un, parce qu'elles ont manqué déjà le Money in the Bank, et deux, elles manquent le premier Royal Rumble. Ça devait être assez cruel. T'es champion, mais à mon avis, ça allait démanger de monter sur le ring. Ah bah oui, là, Mais c'est elles pas dans ont, l'histoire. ouais, mais elles ont fini par le faire. Elles ont fini par le faire. Elles sont montées sur le ring pour rejoindre Atsuka, parce que à ce moment-là, c'est l'heure de choisir, hein, pour Atsuka, de choisir qui elle ira affronter à WrestleMania. Et au moment où on se dit, limite, elle va choisir les deux. Enfin, toi, elle va montrer les deux en même temps. Elle Une avait les musique. deux. Ouais, une musique retentit, une musique bien connue des suiveurs de l'UFC, c'est Ronda Rousey qui débarque avec tout un packaging, donc elle est juste pas là juste pour faire coucou, enfin, quoique, si, mais elle est pas là juste pour un soir. Donc Ronda Rousey qui arrive avec son t-shirt, Roddy Piper, évidemment, hein, c'est plus qu'un hommage puisqu'elle porte, alors... Ringside m'a dit, je cite mes sources, que le blouson de cuir trop grand qu'elle portait appartenait à Roddy Piper. C'était son blouson à lui, son blouson perso. C'est pas une réplique, c'est son vrai blouson. Peut-être un de ces blousons, il y en a peut-être plusieurs, mais Oui, son blouson fétiche, mythique, on va ouais, dire. mais c'était ça, un Donc, blouson qui transpirait le catch, comme nous. ouais, exactement. Donc, validé, hein, validé, évidemment. Elle arrive au ring, tout sourire, un sourire qui va pas la quitter du visage jusqu'à ce qu'elle reparte. Elle arrive, elle prend la pose, elle regarde les trois, et je sais plus c'est dans quel ordre, mais elle pointe du doigt le logo. Ouais, WrestleMania, ça elle va le faire 2, 3 ou 4 fois. Hein. Je pense que c'est de la soirée, celle qui a le pointé le plus le panneau WrestleMania. On a bien compris que le rendez-vous est pris. Elle défie un peu plus du regard Charlotte qu'Alexa Bliss. Elle tend une poignée de main à Atsuka. qui la refuse, qui lui met une petite tape dans la main comme ça. Mais non, non, non, pas de ça chez nous. Moi, je suis là pour tuer des gens. Y a pas de ça. T'es qui, toi? Et ensuite, elle va serrer la main à Stéphanie McMahon. Pareil, elle se regarde, hein, elle se jauge. Stéphanie finit par serrer la main des deux. Il y a de la tension. On se souvient de. C'était l'année dernière? Non, il y a 2 ans. Où Oui, au moins, oui. c'est ouais, c'est pris la tête avec Triple H et The Rock et Ronda Rousey et Stephanie McMahon. Et elle repart comme ça, tout sourire avec sa musique. Voilà, on y est, hein, ça y est, on y est. Ronda Rousey, WrestleMania. Comment tu as vécu ce grand moment? Et est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que ça a peut-être un petit peu été de trop par rapport au Royal Rumble et la célébration d'Atsuka, quoi. Je fais partie de ces gens-là. J'ai pas eu du tout la même réaction à chaud que à froid. À chaud, sur le moment, j'étais dans l'ambiance du Rumble. J'ai vu Ronda Rousey arriver en plus. Et pour moi, c'était un truc en plus qui fait que ça y est, ben, les femmes, ça peut être le main event. Et là, c'était la confirmation suprême. Et d'avoir Ronda Rousey avec Charlotte, Asuka, tout ça, j'ai trouvé ça sympa. Après, même à chaud, je trouvais qu'elle était pas très, effectivement, à part sourire et faire ce geste qu'elle faisait pas très bien, j'ai trouvé pointer 2, 3, 4, 5 fois le logo WrestleMania. Et après, à froid, non, ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage, en fait, parce que oui, c'est vrai que, il y a 30 meufs qui viennent de se mettre sur la gueule, À qui se sont tués. et elle, elle arrive, et puis elle a l'air de dire, bah ouais, moi aussi je serai à WrestleMania, en mode passe-droit, et puis du coup, bah, là, il fallait une forte suspension d'incrédulité parce que il y avait Stéphanie sur le bord du ring, Corey Graves et tout ça qui lui demande, mais vous saviez? Ah non, non, la meuf, elle a réussi à caser sa musique d'entrée, son packaging, son truc, mais non, non, Stéphanie n'était pas au courant que Ronda Rousey arrivait. Non mais c'est très facile de soudoyer le mec qui est chargé des musiques d'entrée, tout simplement, il faut pas chercher plus C'est vrai, il faudrait que j'essaye une fois d'aller faire un petit tour. Je pense que le mec est riche, hein, parce qu'il doit recevoir Ouais. des... Il doit être mal payé de base et donc il accepte tous les pots de vin, Il ouais. est payé à l'entrée, effectivement. Ouais, non mais alors, moi, toi, on est plutôt d'accord, moi, sur le coup, je trouvais ça cool, parce que comme tu le dis... Ouais, c'est. Elles ont vraiment le même traitement que les mecs, quoi. C'est validé, etc. Mais alors, dans l'exécution, c'était vraiment pas bon. Enfin, il fallait qu'elles viennent en mode déterminé et pas tout sourire comme ça. Enfin, là, c'était vraiment. Ça... Limite, du coup, ça faisait plus sérieux, quoi. Enfin, ça a complètement désamorcé. On va dire l'événement qui venait de se produire sous nos yeux, quoi, de ce Rumble, la victoire d'Atsuka, le fait qu'elles doivent choisir les championnes, et là, elle vient. Effectivement, on aurait pu attendre le lendemain, mais en même temps, tu te dis, bon, c'est pas rien, quoi, toi. Donc, Ouais, effectivement. y avait deux volontés, c'est vrai que je vois pas comment ils auraient pu faire autrement, mais j'aurais aimé qu'au moins dans l'exécution, Ronda Rousey, elle ait pas l'air d'être en camp de vacances, toi. Là, elle était vraiment genre en mode à la cool, c'est bon, je connais tout le monde, pas de problème. Ouais, c'est J'ai vrai. déjà ma j'ai mon ticket d'entrée, j'ai pas besoin de me justifier. Bon Non. après concrètement, enfin d'un point de vue kayfabe, elle a juste montré pointé WrestleMania du doigt. Enfin, je veux dire toi. Elle a soudoyé le mec à l'entrée qui fait les génériques, et puis elle est venue défier, tout comme le Taker et bien d'autres font, venu, elle est venue défier quelqu'un, et derrière il faut valider. Et il va peut-être y avoir des séquences de pourparlers Ouais. avec Stephanie McMahon qui va se prendre la tête avec Triple H, parce que attends, t'es au courant toi? J'en sais rien, ou le général manager. Donc, ouais, pour nous, c'est acté qu'elle y sera, donc. Oui. Donc forcément, ça nous agace un peu de se dire, elle arrive, et... pas besoin. Enfin, à quoi bon être Iron Woman d'un Rumble match? Il suffit de venir avec un blouson de Roddy Piper et de pointer WrestleMania du doigt. Ouais, mais ça m'interroge quand même parce que je sais pas du tout quel type de contrat peut avoir Ronda Rousey à la WWE. C'est quand même un très très gros nom. c'est une meuf qui est retraitée, hein, je crois, de l'UFC, donc je sais pas si, enfin, tu vois, j'ai du mal à, on verra, je me trompe peut-être, mais je la vois plutôt dans un traitement à la Brock Lesnar, que en mode, bah, je suis là tous les mardis soirs, mettons, si elle choisit SmackDown, ou tous les lundis, si elle choisit Raw. J'ai du mal à l'imaginer comme une catcheuse quotidienne, en fait, comme tous les autres. Mais en même temps, si elle pointe une ceinture, si elle part, parce que bon, ben, c'est Ronda Rousey, elle va pas affronter n'importe qui, donc si elle part pour un match contre Charlotte, moi c'est la piste actuelle qui me semble la plus probable. Et si elle gagne, parce que pareil, j'imagine mal Ronda Rousey perdre de suite, est-ce qu'elle va nous faire une championne à la Brock Lesnar? Est-ce qu'elle va être là tout le temps? Est-ce qu'elle va pas du tout finalement se tourner vers le titre, et est-ce qu'elle va affronter Stéphanie McMahon peut-être? Là, je sais pas. Donc, il y a un peu de curiosité quand même. Non, tout, enfin, il y a encore, il y a pas mal de scénarios possibles pour elle. Effectivement, il y a, bon, elle s'est entraînée, elle fait le Performance Center, voilà, hein, visiblement, elle est prête. Après, le rythme des weeklies, c'est quand même autre chose que d'un traitement comme tu dis à la Brock Lesnar. Très probable qu'effectivement, au début, on va déjà être très, le point focal, ça va être le match de WrestleMania et déjà à part de se taper sur la tronche, il y a peu de chances que, enfin, ouais, ça va être des, il y aura pas de match de weekly, sera impliqué évidemment. Après, effectivement, tout va dépendre de quel va être le match, qu'est-ce qui est prévu aussi à WrestleMania effectivement. Si c'est un match pour le titre, ça change pas mal la donne par rapport à un match contre Stephanie McMahon. Ça, c'est clair. Ben, tout ça, on aura sûrement un début de réponse. Cette semaine, donc pour l'appel, il faudra regarder probablement en Raw. Plus de chances que ça se passe à Raw, tout ça. Écoute, c'est fini, c'est terminé pour ce Royal Rumble. Donc c'est l'heure du mot de la fin, Raphaël. Est-ce que tu veux bien partager avec nous ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Bah, je vais commencer par la note, tiens, une fois n'est pas coutume. Allez. Je trouvais que le Rumble masculin était très bon, le Rumble féminin, ils se sont pas mal débrouillés. Donc j'ai passé une bonne soirée et je vais donner un 4, un 4 sur 5. Mon top, je vais le donner au Rumble masculin. Donc ça fait un long match quand même. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu plein de bonnes séquences, plein de trucs intelligents. J'ai bien aimé Elias, Baron Corbin, Andrade, Almas, Finn Balor, tout ça. Mon flop, ouais, je vais le donner au match de, je vais dire, à la façon dont gagne Brock Lesnar, qui gagne, voilà, en lâche, si l'on peut dire. Et c'était un peu, moi je me suis dit bon bah encore quoi, encore la même chose. Mais sinon le reste du pay-per-view était plutôt pas mal. C'est vrai que deux Rumble match, ça occupe beaucoup la carte. Donc ça pas, c'est pas comme comme l'an dernier où il y avait des 5 étoiles là, avec Cena, Styles ou Owens Reigns, mais il y a eu pas mal de matchs qui étaient bons. Enfin rien n'était mauvais, même les tag teams c'était pas des mauvais matchs. Même si c'était un peu court et on en a parlé, mais Bah, c'est j'ai bien aimé. limite le problème de ce pay-per-view, c'est qu'il y avait que des bons matchs, enfin un potentiel de super matchs, de super affrontements, mais il a fallu faire court à cause des Rumbles, quoi. Et du coup, c'est peut-être ça ce qui porte préjudice, c'est que tous les matchs ont été raccourcis en fait, pour avec différentes Ouais. astuces, que ce soit lors du handicap match avec l'arbitre qui se plante ou avec le tag team Jason Jordan qui est blessé, Brock Lesnar qui fait le pin sur Kane et du coup bah, au bout de 10 minutes c'est terminé. Ouais, tous ces matchs-là effectivement ont été courts et c'était ce côté du coup ouais, c'est l'impression un peu weekly où finalement t'as eu rien de plus que ce qu'on aurait presque déjà dans les weekly et que du coup on se dit mince, on aurait limite il aurait mieux fallu mettre tous ces matchs-là dans un autre pay-per-view et Ouais, est-ce qu'il aurait mieux pas, est-ce qu'on n'aurait pas pu, ou mettre dans les virer un truc ou deux du pré-show et puis mettre le match du New Day en pré-show pour lui laisser plus de temps et puis plus de temps un peu Ouais, tu partout, viens le je match pense. de tag team. Ouais, on met le tag team de SmackDown en pré-show, donc ça fait un gros pré-show. On vire le truc de Mojo Rawley, là, on s'en fout, et puis à la limite, on vire les, je sais pas, on aurait pu garder le Cruiserweight et on vire les Revival, et là, on met 15 minutes pour les Usos et Enfin bon. Ouais, bon, voilà, on chipote parce qu'on est un peu frustré du coup. Mais pour autant, je rejoins sur la note. Pour moi aussi, c'est un bon 4. C'est 4, monsieur. Yeah. Mon flop, c'est Dolph Ziggler, 30e position. Ok, d'accord. Ok, tu fais venir 30e position, d'accord. Mais tu fais pas rester 2 minutes, quoi. À rien faire et genre que dalle. C'est juste. Non, ouais. Surtout, enfin, pour Nul. moi, c'est tout est mal tombé parce que, enfin, le public a eu rien à foutre, quoi. C'était Ouais. genre un retour d'un mec qui est parti il y a un mois, donc c'est limite, Oui. ça aurait été depuis 6 mois, on n'aurait pas vu Dolph Ziggler depuis 6 mois. Ouais, ça aurait marché, mais là. Et puis mon top, je vais le donner. Allez, ah, c'est difficile. J'hésite entre Rey Mysterio, la forme de Rey Mysterio, mais je vais le donner à NXT, au montée d'NXT, de faire monter les champions. Je trouve ça vraiment cool. Et particulièrement Cien Almas qui a vraiment fait un bon, enfin qui s'est bien débrouillé, qui a pas juste fait de la figuration. Ah ouais. Donc voilà, ça fait plaisir là de faire monter comme ça les champions d'NXT. Kairi Sane aussi, c'était cool. Donc voilà pour moi pour mon top. C'en est terminé de cette grosse analyse du Royal Rumble 2018. On espère que vous avez kiffé comme nous ce pay-per-view. C'était fat, hein. C'était vraiment du gros burger une fois de plus, hein, comme le Ouais. WrestleMania. C'était Là, gras. c'est bien passé, mais ouais. Ça jutait de partout. On a encore faim du coup. On a encore faim. On a encore faim pour certains matchs qui effectivement étaient peut-être un petit peu courts. Et puis on est impatient de voir la suite, quelles vont être les retombées. Et enfin, on peut le dire, mon bon Raphaël, on est sur la route pour WrestleMania. C'est lancé, à C'est fond les parti. ballons. Voilà, exactement. Catch Up, c'est votre podcast hein, qui bien sûr résume et analyse chaque semaine tous les shows de la WWE. Raw, SmackDown, c'est dans cette semaine, mais également tous les pay-per-view du NXT. Donc, pour vous abonner, ça se passe sur iTunes ou PodCloud pour la version audio. Comme ça, vous pouvez nous écouter partout dans les transports en commun, dans la voiture ou en allant, en mangeant, par exemple. Ou le matin, tu fais ton petit café, pof, toi, c'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est pas mal. Bah, de commencer en prenant le café, puis finir dans la RATP ou dans les transports en commun, hein, ça y est. En nomade, hein, voilà, hein. Évidemment que votre baladeur, ou alors en vidéo sur YouTube, c'est youtube.com/catchupcdc pour voir notre rogne, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, c'est catchupcdc, évidemment. On vous invite à partager en commentaire vos tops, vos flops, votre note. Qu'est-ce que vous avez kiffé pendant ce Royal Rumble? Qu'est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous trouvez ça cool que Michelle McCool ait le record d'élimination? Autre On sent petit. que tu l'as là, hein. Autre statistique sympa, c'est Beth Phoenix est la seule à avoir été éliminée deux fois du Royal Rumble. Puisqu'elle était Ouais, déjà oui. entrée, elle avait déjà participé. Elle a C'est la deux seule. participé à deux. Alors, record de participation et d'élimination contre elle, si je puis dire. Alors, ils peuvent éventuellement nous faire revenir. Comment elle s'appelait Awesome Kang, là, quel nom Ouais, elle avait? Karma. Karma. Par contre, Shayna, bon, ça c'est foutu. Ce serait fort, là. Ce serait très fort. Là, je mettrais un 5 étoiles direct. Ouais. voilà, commentez, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Rumble? Est-ce que vous êtes content des vainqueurs? Là, les Japonais prennent le pouvoir à Stamford. Finalement, on nous aurait dit ça il y a 5 ans, on l'aurait pas cru. Et ben si, on y est, c'est ça. Et direction WrestleMania. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette fille qui arrive avec son blouson noir et qui pointe du doigt le panneau? Dites-nous tout sur Honda aussi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, enfin cette semaine, demain, après-demain, je ne sais plus, Pour SmackDown. pour SmackDown. Merci à toi, Raphaël. Ben, merci et bravo à toi, Irem, pour avoir détaillé ce pay-per-view fleuve, effectivement. Pas facile Pour un petit peu. de les Royal Rumble, parce que quand tu dois raconter le match du Royal Rumble, c'est pas évident à faire la liste, quoi, évidemment, de tous les mecs et les filles qui entrent. Maintenant, on peut le dire, on en a eu deux pour le prix d'un. Tu as très Et bien fait. on l'a très bien fait ensemble avec vous. On vous souhaite encore une bonne semaine de catch à toutes et à tous. Salut! Ciao.